Soirée. Tu t'es fait soulever dans ta voiture, c'est ça? Non, mais je les ai rencontrés dans un hôtel il n'y a pas longtemps. Ah bah oui, c'est... On a fait des photos. Quelle chambre? Ils sont sympas. Ils étaient à 15 ou pas? Je passais dans sa chambre, elle était vannée. Et jouait aussi dans le fil d'Ariane, c'est ça? C'est toujours ce qu'on se pose comme question quand ils font une mêlée. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Bravo. Très bonne vanne. Très bonne vanne. Bon, vous êtes toujours là, vous avez gagné un voyage. Dites donc, Loïc, vous pouvez être content quand même. Ah bah oui, je suis très content. On a essayé de faire rire avec l'actualité, c'est pas facile. Les dessinateurs, je dois dire, sont particulièrement brillants hein, dans la presse ce jour, que ce soit dans Charlie Hebdo ou dans Le Canard Enchaîné, parce que réussir à faire rire avec l'actualité tragique du moment, il faut le faire. Et ils sont particulièrement subtils. Hommage encore à Gross et à Urps, qui est l'un dans Marianne et l'autre dans Le Canard Enchaîné, nous ont permis effectivement de faire ces fausses informations, ces fake news aujourd'hui. Loïc, bravo, vous partez dans un club bel en bras. Les grosses têtes reviennent après ça. J'avais le cœur et la rancœur, au bord des yeux coulent des aveux à nos adieux. Après plus de 10 ans, on s'est raté vraiment de peu. Je t'ai manqué, tu m'as marqué. Pour plus de 100 ans, on s'est laissé en se lassant du temps passé à s'enlacer. Après plus de 10 ans, je veux t'oublier, tout oublier, du premier jour au dernier tour. Pour plus de 1000 ans, je veux t'oublier. Tout oublié. Les mots tendres, les mots d'amour, d'avant. Les mots cruels, les discours, d'avant. La promesse d'un tout nouveau jour. Autant t'offrir un aller sans retour. Bon vent. Les mots tendres, les mots d'amour, d'avant. Les mots cruels, les discours, d'avant. La promesse d'un tout nouveau jour. Autant t'offrir un aller sans retour. Bon vent. J'étais caché, tu m'as trouvé. Tout est perdu, tu espérais, mais c'est perdu. Après plus de 10 ans, je n'ai pas su me souvenir de l'amour vécu, faut que je respire. Encore plus de 100 ans. Combien de nuits, combien de jours faut-il compter sur un retour? Encore plus de 1000 ans. Chacun s'en va, chacun pour soi. Savoir finir sans ne rien dire. Après plus de 10 ans, je veux t'oublier. Tout oublié, lié, lié. Les mots tendres, les mots d'amour, d'avant. Les mots cruels, les longs discours, d'avant. La promesse d'un tout nouveau jour. Autant t'offrir un aller sans retour. Bon vent. Les mots tendres, les mots d'amour, d'avant. Les mots cruels, les longs discours, d'avant. La promesse d'un tout nouveau jour. Autant t'offrir un aller sans retour. Bon vent. Les mots tendres, les mots d'amour, d'avant. Les mots cruels, les longs discours, d'avant. La promesse d'un tout nouveau jour. Autant t'offrir un aller sans retour. Bon vent. Les mots tendres, les mots d'amour, d'avant. Les mots cruels, les longs discours, d'avant. La promesse d'un tout nouveau jour. Autant t'offrir un aller sans retour. Bon vent. Belle RTL, on est là. On est là. Ah, je ne sais pas vous, mais ils me font vraiment bien rire aujourd'hui. Les grosses têtes, allez, on les retrouve tout de suite. Une question pour Thierry Mercier qui habite Cap d'Agde. Tout à l'heure, je vous ai piégé avec une hymne religieuse. Et évidemment, ceux qui n'ont pas entendu le début de l'émission vont croire que je suis en train de commettre une faute. Parce qu'effectivement, normalement, on dit un hymne. Mais non, quand c'est religieux, on dit bien une hymne. Et justement, j'ai envie de vous demander maintenant quel hymne a été écrite par le poète franciscain Jacopone de Todi. Hymne religieux célèbre. C'est une oraison funèbre ? Oraison funèbre, non. Je peux même vous dire que ça évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus-Christ. L'Ave Maria ? L'Ave Maria, non. C'est très connu. Jésus, Jésus, Jésus revient. Jésus revient parmi les tiens. C'est pas celle-là ? Non. J'ai reçu le Dieu vivant. Non, chantait, j'ai reçu le vieux divan. Non, c'est une hymne religieuse très célèbre et qu'on doit au Moyen-Âge à un poète qui s'appelait Jacopo da Todi. Un Stabat Mater. Le Stabat Mater. Bonne réponse de Philippe Claudel. Là, je dis monsieur Claudel. Alors là, je dis bravo. Ça sert d'avoir une vraie grosse tête. Là, en tout cas, c'est à cause de la famille Claudel. Le Stabat Mater, qui est devenu aussi d'ailleurs, je crois, une œuvre musicale. Ah bah oui, il y a plusieurs magnifiques Stabat Mater, notamment de Pergolèse ou de Vivaldi. Ou même de Francis Poulenc. Paul Naref. Plus moderne. Le Stabat Mater est une hymne, et c'est comme ça que j'ai effectivement vu que le mot hymne était féminin dans ce cas-là, car on dit bien que le Stabat Mater est une hymne religieuse attribuée au poète franciscain Jacopo da Todi. Bravo Philippe Claudel. Une autre question. Il y a 60 ans, on parlait beaucoup de Félicette. Mais qui est Félicette, dont on a beaucoup parlé dans les médias il y a pile 60 ans, le 18 octobre 1963. C'est une question pour Madame Lodin de Hier. C'est pas une chanteuse aussi. Une chanteuse, non. Félicette, non. Au 7, ça n'a pas avec la chanson de Fernandel, Félicie. Oui. Est-ce que c'est. Pas du tout. Les légumes d'Aussie. Non. Félicette, c'est une journaliste. C'est une dame. C'est pas une dame, Félicette. C'est une vache. Une chatte. C'est une vache. Pardon. Une chatte. Une chatte, oui. Oui. Ah bon. Et je crois que c'est dans une BD, non ? Non, c'est pas une BD. C'est. Dans un roman ? Ah, c'est la chatte de Colette ? Non, c'est pas la chatte de Colette. Ils l'ont pas envoyée dans l'espace ? C'est une chatte, la première chatte qu'on a envoyée dans l'espace. Bonne réponse. Ils l'ont envoyé, mais ils l'ont pas ils l'ont pas récupéré. Il y a 14 chattes qui ont été entraînées pour les vols spatiaux. Celle qui a, on va dire... Qui a gagné le droit de mourir. Ben oui, c'est Félicette, la première chatte à voyager dans l'espace dans la fusée Véronique. Après, elle a été euthanasiée pour qu'on étudie. Elle n'est pas morte pendant le voyage. Elle est revenue. Elle est revenue, évidemment. Elle a fait tout ça pour rien, quoi. Non, mais on lui avait mis des électrodes sur le crâne afin de pouvoir suivre son activité neurologique pendant tout le vol. C'était russe ou américain ? Non, c'est français. Ce sont les Français qu'on voit. C'est les Français qu'on voit. Les Français, ils peuvent pas envoyer. Il espère encore Thomas Pesquet, être le premier Français à aller. Il s'est pas fait euthanasier encore. Sur la Lune. Mais nous, on a envoyé le chat. Il a des chances. Pardon ? Il a des chances. Il a des chances. Mais là, c'était une petite chatte, Félicette, qu'on a envoyée. On l'a appelée Félicette à cause de Félix le chat, c'était... Félix, qui veut dire bonheur, quand même. Ben voilà. Et la pauvre, on a été obligé de l'euthanasier, évidemment, quand on a récupéré la capsule. 13 minutes seulement, elle a passé dans l'espace. C'est pas si long, vous voyez. De quelle race était Félicette ? Alors, j'ignore de quelle race était cette chatte. Vous aimez ça, ce mot. Non. J'aurais bien voulu. Vous aimez le mot. J'ai pas choisi. Arrêtez de vous faire du mal. Félicette est en tout cas effectivement la petite chatte qui a été envoyée dans la fusée Véronique il y a pile 60 ans. Et depuis, effectivement, Thomas Pesquet est le Français qui, lui, espère un jour aller, non pas dans l'espace, ça, il y est déjà allé. Se faire euthanasier. Non, mais... sur la Lune. Marcher sur la Lune. J'ai appris un truc fou. Si tu as des caries, tu peux pas être astronome. C'est pas vrai. Houellebecq, par exemple, on peut pas l'envoyer. Ce serait bien pourtant. Pour quelle raison ? Houellebecq, tu peux pas avoir d'amalgame, parce que c'est dangereux, donc il faut avoir une dentition parfaite. Ah bon, en ce moment, on n'arrête pas de le dire. Pas d'amalgame. Laurent Ruquier revient dans un instant sur Bell RTL. Supprimer les sons gênants sur les vidéos ? C'est un jeu d'enfant avec la gomme Magic Audio du nouveau smartphone Google Pixel 8. Let's go. Maintenant chez MediaMarkt. Dans la vie, on a tous fait des choix qui semblaient bons, comme investir dans ce vélo d'intérieur avec la très chère option Body Booster. Tout ça pour un mois plus tard n'utiliser que son option porte-manteau. Et puis, il y a les bons choix qui restent des bons choix, comme profiter de 326 € de réduction sur un pack trio qui répond à toutes vos envies. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Vous d'abord. Infos et conditions au 0800 800 25. Quand les citoyens descendent dans la rue, Moustique se mobilise. Quand notre société s'interroge, Moustique donne des clés. Moustique, c'est l'actu décodée et la société décryptée, façon décalée. Moustique, l'hebdo qui pique. Abonnez-vous maintenant et recevez 23 numéros gratuits sur moustique.be/j'en-profite. On est là ensemble jusqu'à 18h. Merci de nous suivre sur Bel RTL. Ce sont les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et restez bien avec nous parce que dans quelques instants, on va bien rire avec Romane de Duic. Et je ne vous en dis pas plus, bien sûr. Une question pour Madame Brisson, Yvette Brisson, qui habite Arcachon. Et je vais vous donner des noms de personnes qui sont devenues millionnaires, voire même milliardaires pour certains. Jean-Claude Marian, Yves Journel de Domus et Claude et Cheton. Comment sont-ils devenus milliardaires ou millionnaires? Avec les bitcoins. Avec les bitcoins. Les bitcoins, Bitcoin. Non. Non. Ils sont français. Le loto, non. Ils sont associés tous les trois? Ah non, ils ne sont pas associés. Ils sont devenus millionnaires pour la même raison. Ils ont même été concurrents, mais ils sont devenus millionnaires ou milliardaires pour la même raison. Ils ont acheté la même chose? Ils n'ont rien acheté, ils ont créé... Des industriels, c'est pas le mot, mais là... Chacun de leur côté ou ensemble? Chacun de leur côté, ils ont eu la même idée. C'est pas qu'ils ont eu la même idée, mais ils ont... Ils se sont succédés? Non, ils ont... C'est pas leur idée. Ils ont été concurrents. Oh bah, des idées... C'est pas eux qui ont inventé. Ils ont commercialisé un truc. Le Pepsi-Cola, Coca-Cola et une troisième marque. Non, mais là, on parle en France. Ça existe sûrement dans les autres pays. Mais chez nous, en France, en tout cas, Jean-Claude Marian, Yves Journel de Domus et Claude Cheton sont devenus milliardaires ou millionnaires. Par exemple, Claude Cheton, lui, aujourd'hui, sa fortune est estimée à 320 millions d'euros. Yves Journel de Domus, 2,2 milliards, 54e fortune mondiale. J'avance le débat. Des slips? Des slips, non. La nourriture. De l'immobilier? Non. Ça se mange? J'ai appris ça, d'ailleurs, je veux dire, grâce à deux pages dans le journal L'Humanité aujourd'hui, parce que c'est un vrai problème. Ah, des merguez alors? Non. Des barbecues? Pourquoi ce serait un vrai problème? C'est un vrai problème. Ce qu'ils ont fait est un vrai problème, c'est polluant? Bah, c'est assez problématique qu'ils aient fait fortune ainsi. Oui. Ce qu'ils ont créé, nous le connaissons, c'est quelque chose de très connu. Écoutez, je vous souhaite de le connaître le plus tard possible. Les obsèques. Les obsèques, non. Dans les pompes funèbres. Pharmaceutiques, la médecine. Dans les prisons. Les prisons, non. C'est mauvais pour la planète. J'ai envie de dire, on se rapproche. Mauvais pour la planète. Les incinérateurs. Non plus. Mais ça a rapport avec la mort. Normalement, non, mais un peu oui quand même. Quartier haute sécurité? Non, quartier haute sécurité. Je note tout ce que vous dites. VHS, prison. Des trucs létals, là. Comment ça s'appelle, la piqûre? L'euthanasie? Oui. Ils ont fait fortune avec l'euthanasie. Non, mais je veux dire un médicament, un truc... Non. Ils ont construit des prisons. L'anesthésie. Les anesthésies avant les opérations. Mais bien sûr, on fait fortune dans l'anesthésie. Non, mais je sais pas, peut-être un produit miracle. Mais ça concerne l'univers... En fait, t'endors les gens et après tu les voles. Ça concerne l'univers carcéral? Non, univers carcéral, je note aussi. Les hôpitaux. Les hôpitaux, on se rapproche. Les maisons de retraite. Mais oui, je suis bête, je le savais en plus. Les EHPAD. On avait plein de synonymes. Oui, vous m'avez dit QHS, prison. Est-ce que c'est là où on n'a pas envie d'aller? Univers carcéral. Eh bien, il s'agit des EHPAD, des maisons de retraite. Oh là là. Il y a encore un nouveau scandale dans l'humanité. Ah. On nous parle des maisons de retraite Emera. Je ne connaissais pas Emera. Il y a eu l'affaire Orpea. Orpea, ça a fait évidemment la fortune de monsieur Jean-Claude Marian. Il y a Domus. Domus aussi, hein, c'est connu comme maison de retraite. Il y a les grosses têtes aussi. Yves Journel. Ça dépend des jours. Ça fait la fortune de qui? Yves Journel de Domus a fait sa fortune, 2,2 milliards d'euros, grâce aussi aux maisons de retraite, aux EHPAD dont il était propriétaire. Et pareil pour M. Cheton, je ne le connaissais pas. Claude Cheton, propriétaire du groupe Emera, qui a 320 millions d'euros de fortune. Tout ça, effectivement, en économisant sur les repas des vieux. On ne fait pas fortune comme ça, hein, par couches, hasard. Et des couches. Et des couches dans les EHPAD. Oh, c'est personnel. C'est évidemment ça, le scandale. Bah, bien sûr. Le scandale, c'est que là, on a quand même des grosses fortunes qui ont fait fortune sur le dos des personnes âgées dans les maisons de retraite. Sur le dos des familles. Hein, Chantal, des personnes familles. C'est monstrueux. Ça coûte cher. Il faudrait qu'ils aillent passer quelques temps là-bas. Ah, mais je suis allé visiter un EHPAD pour un documentaire et c'est vrai que les... Tu voulais savoir ce que c'était un vieux, c'est ça? Ben non, ça c'était mon tournage avec Chantal là-dessous. Tu vas fermer ta gueule. 4 500 € par mois, par exemple, ouais, dans les EHPAD EMRA, puisque c'est le nouveau scandale d'après l'Humanité. Oh. 47 établissements, hein, quand même, le groupe EMRA. 47 maisons de retraite en France. 2 800 salariés, mal payés, évidemment, trop peu nombreux. Et on leur demande de faire des économies. Il y a des témoignages anonymes. Chaque jour, on leur demande de faire des économies, surtout avec l'inflation, parce que, évidemment, l'alimentation coûtant de plus en plus cher, on leur demande de faire des économies sur les repas. Ça ne mange pas beaucoup. Mais non, c'est pas cher la purée, si. Mais sauf que le problème, pendant ce temps-là, c'est que les propriétaires, eux, sont milliardaires ou millionnaires. Ils s'empiffrent. Eux s'empiffrent. C'est une émission politique, les grosses têtes. Engagée, hein, j'en reviens pas. Là. Non, mais ça dépend. Moi, ça me scandalise. Mais c'est pas normal. Il y en a des bonnes, hein, quand même. La maison de retraite, les EHPAD, c'est pas pareil. Tu t'es renseigné déjà? Oui. C'est pas la même chose. Votre papa était dans une maison de retraite. Oui, j'y pensais justement. Elle était bien, oui, elle était... Oui, la directrice était plutôt sympathique, mais c'était glauque quand même, hein. Honnêtement, c'était horrible. Chaque soignante, par exemple, dans ces groupes-là, EHPAD, chaque soignante s'occupe de 15 résidents. C'est trop. Et évidemment, c'est trop compliqué. C'est énorme. 15 personnes, moi déjà 6, ça me fatigue. Alors j'imagine 15, ce que ça peut être. Non mais moi je n'imaginais pas en tout cas que les propriétaires des EHPAD étaient effectivement les milliardaires ou millionnaires. C'est pas des philanthropes, ce sont des hommes d'affaires, Laurent. D'accord, mais enfin quand même. On peut avoir un peu d'humanité quand même. Oui, Madame Bernier. Voilà. Je voudrais pas vous foutre le moral à zéro, mais ça c'est fait. Ça va bientôt être l'heure de la soupe. Oui, c'est vrai. Ce qui est terrible, c'est le jour où vous devez emmener votre papa ou votre maman ou votre grand-père ou votre grand-mère dans l'établissement. Oh, ça dépend. Hein. Non. Ça dépend les parents. S'ils sont Alzheimer, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Moi, j'ai visité un EHPAD une fois pour un tournage. Je suis rentré, j'ai dit à mon père, je t'étouffe dans ton sommeil. Avec un oreiller, je mets fin moi-même parce que je ne peux pas te mettre là-bas. C'est physiquement impossible. Il a encore 5 minutes, ton père, quand même. Ouais, mais il m'a saoulé, là. Non, mais t'énerve pas tout de suite. Il veut mettre ses parents tout de suite. Ils doivent être plus jeunes que nous. Non, mais le pire, c'est que mes parents, ils ont à peu près votre âge. Bah oui, c'est ce qu'on dit. Bah oui, c'est pour ça que je te dis qu'ils ont encore 5 minutes. Mais quel âge ils ont, vos parents? Mes parents, ils ont une soixantaine d'années. Donc ils ont attendu avant de vous faire, dites donc. Oui, je suis le petit dernier. Je suis arrivé 6 ans après celui d'avant, 10 ans avant le premier. Donc je suis sûr que je suis absolument pas désiré. C'est aussi pour ça que je vais les buter à un moment ou un autre. Mais tu sais, je suis une surprise de la vie, tu vois. Je suis un joli accident. Voilà. Mais c'est joli, quel accident, pas d'accident. Ils t'ont eu tard, dis donc. Quel âge tu as? Tu te rends compte des parents qui faisaient encore l'amour, c'est merveilleux. Déjà. Tu viens de mettre une image dégueulasse dans ma tête, Michel. <là. rire> Les grosses têtes reviennent après ça. Ça se fait tout? Ça se fait chez vous. Les bougies se passent, on sent 70 ans. Et ça se fête chez vous. Participez à notre concours 170 ans de space et gagnez un des 170 coffrets cadeaux avec bulles, fleurs, paillettes, guirlandes et bien sûr, les sublimes bougies belges space. Tout pour faire la fête chez vous. Faites la fête avec nous et gagnez votre propre fête. Rendez-vous sur fêtezavecspace.be. La passion. C'est ce qui pousse un indépendant à en faire toujours plus. Chez Vous Business, nous partageons cette même passion pour vous offrir le meilleur. Comme une expérience internet garantie, satisfait ou remboursé. Parce que nous sommes sûrs de nous et sûrs de notre internet. Vous Business, la garantie d'être mieux. Chez Vous Business, tous les packs pro sont à 40 € par mois pendant 6 mois. Et en plus, le mobile est à 50% pendant un an pour vos collaborateurs. Alors rendez-vous sur vousbusiness.be pour plus d'infos. Europa Bank présente Un peu d'audace peut changer votre vie. Demandez à Yasmine. Eh bien, je voulais une fleuristerie plus grande. J'ai donc demandé un prêt à Europa Bank. Alors, du coup, je suis allée explorer la jungle et j'ai découvert une nouvelle plante carnivore, la Yasmine carnivoris. Et maintenant, tout le monde vient ici pour l'admirer. Ah ! Oups, attention, elle mord. Europa Bank donne une chance à vos projets les plus fous en recherchant ensemble le meilleur crédit à l'investissement dans votre agence ou sur europabank.be. Europa Bank, la banque qui ose. Pour Halloween, RTL Play vous fait frissonner. Faites-vous peur devant notre sélection de films d'horreur. Il est là. Et retrouvez chaque jour une Halloween Stories. C'est à ce moment-là qu'il tombe sur la vision la plus terrifiante de sa vie. 13 histoires belges racontées par des personnalités. Les terres de Belgique sont réputées pour leur histoire de fantômes et de sorcières. À partir du 19 octobre, c'est sur RTL Play qu'on se fait peur. Le livre du jour, on va parler d'une sainte aujourd'hui avec Laurent Ruquier. J'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes sur Bel RTL, ne changez rien. RTL, le livre du jour. Ah, décidément, l'émission est religieuse aujourd'hui puisqu'on va parler d'une jeune fille en feu. Et cette jeune fille... Jeanne d'Arc. Non, mais vous n'êtes pas loin. C'est une sainte, Christine l'Admirable, sainte et rebelle. C'est un roman publié chez Albin Michel, mais c'est un roman biographique signé Gérard de Cortanze. Gérard de Cortanze, on l'avait eu il y a quelques mois ou quelques années au téléphone pour nous parler de Frida Kahlo. Il a fait des dizaines et des dizaines de livres. Vous le connaissez sûrement. Ah ben c'est un collègue. Nous sommes tous les deux à l'Académie Royale de Belgique. Ah ben bravo. Merci Philippe Claudel. Comment il se la pète? Ah non, je le dis simplement. Oui, non, je ne dis pas simplement. L'Académie Royale de Belgique. Je suis dans le concours. Nous sommes 10. Il y a moi et l'Académie Royale de Belgique, on ne candidate pas. C'est on l'appelle. Mais oui, mais bien sûr. Vous allez pouvoir lui parler dans un instant. Il sera au téléphone, Gérard de Cortanze, pour qu'on parle avec lui de son nouveau roman, son nouveau livre, Une jeune fille en feu. Mais je me disais qu'au fond, puisque lui-même a beaucoup écrit, peut-être qu'un jour, il y aura une biographie de Gérard de Cortanze, parce que c'est vrai que lui-même a une vie assez étonnante, une famille aussi incroyable. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai appris que dans sa famille maternelle, il y a quelques décennies, pour ne pas dire siècles, il y avait une personnalité d'ailleurs qui a fini condamnée à mort, pendue à Naples le 11 novembre 1806. Parmi donc les ancêtres de M. Gérard de Cortanze qu'on va avoir au téléphone dans un instant, qui est cette personnalité qui fut pendue à Naples le 11 novembre 1806 ? C'est une femme ? Un homme. C'est un rapport avec Napoléon ? Oui. Alors, ça a un rapport avec Napoléon. Parce qu'il y avait un roi à Naples. Vous avez raison. Le royaume de Napoléon. Des Absolument, parce que c'est un des chefs insurgés napolitains contre l'armée de Napoléon. Alors, ça devait être Pardon ? Fra Diavolo ? Fra Diavolo, bonne réponse de Gérard Junior. Tu peux te moquer de lui ? On se moquait de lui il y a 5 minutes. S'il te plaît. Ouais. On se moquait de lui il y a 5 minutes. Là, c'est grâce à Laurel Hardy. Et oui, Fra Diavolo, effectivement, c'est d'ailleurs. Vous avez raison, le titre d'un film avec Laurel et Hardy. Il joue les compagnons de Fra Diavolo. Et c'est vrai, alors Gérard de Cortanze, bonjour, que vous êtes un descendant de Fra Diavolo. Ah oui, absolument, Michele Pezza, oui. D'ailleurs, ma mère, qui est toujours vivante, qui a 94 ans. On l'a bien connue. Oui, est tout à fait Fra Diavolo au féminin. Alors là. Héros, brigand, Fra Diavolo, chef des insurgés contre Napoléon. Il fut condamné à mort et pendu en 1806. Vous savez qui l'a arrêté ? Allez-y, dites. Eh bien, c'est le père de Victor Hugo. Ah ça, alors Léopold Hugo, c'est ça ? C'était le père de Victor Hugo qui était soldat général dans les troupes napoléoniennes à Naples. Plus de 90 livres signés Gérard de Cortanze. Et le dernier concerne une sainte. Une sainte dont, je dois dire, j'ignorais l'existence. On a parlé de Jeanne d'Arc parce que vous avez appelé ce roman biographique Une jeune fille en feu. Mais non, ce n'est pas Jeanne d'Arc. Cette jeune fille en feu, d'ailleurs, elle pouvait traverser le feu parce qu'elle en réchappait, cette sainte Christine. Ah oui, c'est ça. C'est une sainte liégeoise donc qui vit à la frontière 12e siècle, 13e siècle. Au fond, si on faisait une bande dessinée aujourd'hui, on dirait qu'elle serait dotée de super pouvoirs. Si on faisait un film, il faudrait des effets spéciaux extraordinaires. Elle parle aux oiseaux, elle lévite, elle ressuscite des morts, elle est douée de l'esprit de prophétie puisqu'elle annonce la prise de Jérusalem par Saladin en 1187. Et surtout, elle a une expérience qui est proche de ce qu'on appellera aujourd'hui les expériences EMI, ou alors les tranches dramatiques ou le coma. Elle est envoyée comme ça dans l'au-delà, et elle revient avec une mission. C'est Chantal, en fait. Faire le lien entre les vivants et les morts. Alors, et ce qui est étonnant... C'est un rôle pour Chantal Latsou. C'est qu'elle annonce aux vivants l'existence du purgatoire. Ce qui fait d'elle une hérétique, parce qu'à l'époque, personne ne parle du purgatoire. Eh oui, il y a l'enfer, le paradis, mais il n'y a pas l'entre-deux. Il n'y a pas encore le purgatoire. C'est elle, quelque part, qui invente l'entre-deux, le fameux purgatoire. Quelque part, c'est elle qui invente le purgatoire. Et ce qui est intéressant chez cette femme, en fait, c'est qu'elle est les deux versants. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la mystique chrétienne, qui est intéressante, et de l'autre côté, elle agit totalement dans le siècle, puisqu'en fait, elle va militer, c'est une féministe, c'est une fémène avant la lettre. Oui, c'est ça. Elle va manifester seins nus, sur un cheval, dans la forêt. Ce que vous nous racontez dans ce livre est absolument incroyable. J'imagine que vous avez beaucoup recherché, enquêté, pour signer cette biographie, qui commence d'ailleurs par sa résurrection. Hein. C'est assez incroyable, c'est son enterrement. Elle est toute jeune, d'ailleurs, quand elle meurt au départ. Elle a 15 ans, oui. Elle a 15 ans, elle garde les animaux, ses parents, elle est orpheline, elle a encore ses sœurs, je crois, au départ. Oui, ça, voilà. Et elle est encore toute gamine, mais elle va mourir. Et au moment de son enterrement, elle est dans l'église, et là, on voit que ses yeux commencent à bouger. Comme vous dites, on peut dire qu'elle a scié, j'aime bien ce verbe scié. Oui. Vous dites Christina a scié à plusieurs reprises, comme le font les gens de théâtre quand ils doivent simuler les pleurs. Ses cils et ses paupières ont battu, comme il est d'usage devant une lumière trop forte ou après le sommeil ou à la suite d'une émotion. Mais ce n'est pas tout. Après, elle va commencer à respirer. Un souffle léger s'empare d'elle. Et puis, c'est la force de Dieu qui est en elle, qui la pousse, qui la fait se dresser sur son séant, rejeter le linceul, bouger les bras comme le ferait un oiseau. Et là, elle se met à voler dans l'église. C'est la résurrection de la fameuse Christine. On buvait beaucoup à l'époque. Oui. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se contente pas de ressusciter et de porter une parole christique, c'est-à-dire, en fait, elle se bat pour la libération des femmes à cette époque-là. C'est-à-dire, il faut replacer dans l'époque, hein. Une femme à l'époque, elle est mariée de force à 12-13 ans. Une femme est considérée comme versatile, irréfléchie, criarde, on dit qu'elle jette des sorts, par exemple. Et alors, j'ai lu un texte où on explique que la parole d'une femme est nulle et non avenue devant la loi. Quelle belle époque. Elle est encore moins importante que celle d'un musulman, d'un juif ou d'un sarrasin. Elle a lancé MeToo, votre sœur Christine. Ouais. C'est un gilet jaune qui aurait lancé MeToo. Elle lit les Écritures, et ça, alors c'est totalement hérétique pour l'époque. Elle va créer un mouvement qui s'appelle les femmes errantes, qui vont donner les béguines, et ça va tellement emmerder l'Église que finalement, au bout d'un moment, on va les brûler. Et ça va donner les sorcières. Et je vous rappelle qu'entre le XIVe et le XVIIe siècle, rien qu'en France, on a brûlé 100 000 femmes. Gérard, comment tu es tombé sur ce sujet ? J'avais je connaissais une sœur bénédictine qui s'appelait sœur Anne et qui m'a raconté cette histoire. Qui m'a dit, vous qui êtes écrivain, racontez un jour cette histoire. Et je peux même vous raconter une autre anecdote. Un jour, je croise Philippe Solers. Je lui dis, écoute, c'est foutu, tu n'auras jamais le Renaudot, c'est moi qui l'aurai à ta place. On était sur la même liste, parce que les petites sœurs de Valognes, en Normandie, sont en train de prier pour que j'aie le Renaudot. Et en fait, j'ai eu le prix Renaudot, grâce aux prières des petites sœurs de Valognes. Ah oui, je pourrais l'avoir, s'il vous plaît, moi aussi, le Renaudot. C'est pour un Molière. Vous pouvez me donner l'adresse. Je voudrais un César et un Molière, s'il les vous plaît. Sœurs, Ellie. Une jeune fille en feu, Christine l'Admirable, c'est son surnom, sainte et rebelle. Ça reste un roman, évidemment, mais un roman biographique de Sainte Christine. C'est signé Gérard de Cortance chez Albin Michel et c'était le livre du jour. Merci. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bel RTL. Souris, je m'envole au paradis, je fais un Rio. Titre qui donne envie de danser et de faire la fête, c'était Je vais à Rio, Claude François. Belle RTL. Les semaines top 100 promo chez Lainbacker, c'est 100 de nos plus beaux articles pour un intérieur tendance à petit prix. Lainbacker. Meublez-vous bien, achetez malin. Oh, salut, t'as l'air d'avoir la pêche, toi. Oui, toi aussi. Bof, pas trop. 50 ans, les bouffées de chaleur, l'irritabilité, la bagarre contre les kilos. Oh là là. La peau qui perd de sa souplesse, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas. Ostéosin Ladies, retrouvez une féminité épanouie. Sans effet secondaire et sans phytoestrogène. Ostéosin Ladies, en vente en pharmacie. En octobre, chez Toyota, l'hybride est au prix du modèle essence. Et on trouve que c'est juste normal. Toyota, pensez-y. Offre réservée à certains modèles. Plus d'infos sur toyota.be. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui avec Lidl? Avec les promos de Lidl, on mange aujourd'hui des choux de Bruxelles. On dit de Bruxelles, hein? Ah, excuse. Jusqu'à mardi inclus chez Lidl, 44% de réduction sur les choux de Bruxelles. C'est mieux. Soit 89 cents, les 750 grammes. Lidl, pour tous ceux qui comptent. Vous aimez la musique des années 90? La web radio Belle RTL 90 est faite pour vous. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs before we fall down. We got stars. De la musique. C'est sur les web radios Bel RTL, à retrouver sur l'application et sur le site belrtl.be. Bel RTL, on est là. On est là. On est là pour vous faire rire. Bon alors, je vous apprends rien si je vous dis qu'on est mercredi. Et mercredi, c'est quoi? Eh bien, c'est le jour des sorties cinéma. Ah tiens, parlons du Scorsese qui sort aujourd'hui. Ah, vous aimez bien, j'imagine, les films de Martin Scorsese. 3h26. Alors ouais. C'est ça le problème, ouais, c'est ouais. Un peu long. Eh bien écoutez, c'est pas chiant du tout. Ah, vous y êtes allé? Oui, hier soir, c'est pas du tout. C'est ah, c'était l'avant-première hier, oui, ah, vous hier êtes invité aux avant-premières? Je suis invité maintenant aux avant-premières. Ami intime de Martine, c'est ça? Martine fait du cinéma. Il y a un clin d'œil d'ailleurs, il est à la fin, il parle à la fin, juste à la fin du film. Scorsese? Scorsese. Elle le voit, ça s'est réveillé à ce moment-là. Et DiCaprio, il est bien DiCaprio? Ah oui, mais alors il est incroyable, il a une bouche incroyable. Comment ça, il a une bouche incroyable? Il avance comme ça. Un peu à la Marlon Brando, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Il n'a pas une petite prothèse sur le nez dans ce film? Ah, peut-être, oui. Non, mais c'est bien, c'est formidable. C'est vrai, mais c'est pas trop long quand même, 3h15. Écoutez, non, ça se regarde très très bien, c'est Scorsese. Bah oui, ils étaient là, non? Il y avait les acteurs et. Non, ils n'étaient pas là. Personne n'est avec moi en fait. Allez, vous avez pris pour faire la tribu indienne? La squaw. La tante. Non, non, c'est un très beau film. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder dans la filmographie de Martin Scorsese combien de fois il a fait tourner ses acteurs fétiches. Oh, bah plein de fois. Alors, évidemment, c'est Robert De Niro qui détient le record. Hein, c'est une dizaine de fois. Mais déjà, Leonardo DiCaprio. Bien sûr. Il en est à 6 fois. C'est son 6e film avec Scorsese et Killers of the Flower Moon, puisqu'on n'a pas encore donné le nom du titre du film qui sort aujourd'hui. C'est celui-là, Killers of the Flower Moon. Avant, il a fait Le Loup de Wall Street, il a fait Shutter Island, Les Infiltrés, Aviator et Gangs of New York. Voilà les 6 films dans lesquels DiCaprio a tourné, donc, pour Martin Scorsese. Et moi, j'ai pris des acteurs qui ont joué des personnages ayant existé. Alors, par exemple, De Niro, vous le savez, a joué Jacques Lamotta. Raging Bull. Voilà, dans un film réalisé par Scorsese. Caprio, lui, a joué Howard Hughes, évidemment, dans Aviator. Vous avez aussi Jude Law, qui a joué Errol Flynn. C'était dans Aviator aussi que Jude Law joue Errol Flynn. Et puis, il y a un acteur, et c'est celui-là, évidemment, qui va faire l'objet de la question qui vient. Elle est un peu longue, je vous l'accorde, mais elle n'est pas inintéressante. Quel est l'acteur qui a joué Jésus de Nazareth pour Martin Scorsese? C'est pas Joe Pesci. C'est pas Joe Pesci. C'est pas Mel Gibson. Ouais, c'est pas Mel Gibson. Non, c'est pas Daniel Day-Lewis. C'est un genre comme ça. Joe Pesci, il a joué 4 films avec Scorsese. Pesci, il a joué Raging Bull, Les Affranchis, Casino et The Irishman. Non, c'est celui qui a joué Jésus, il s'en est jamais remis, je crois. Non, mais dans le Scorsese. Ah, c'est un très grand acteur, bon acteur. Daniel Day-Lewis. Non. Il a joué pour Scorsese, pour Oliver Stone, pour Pour Terrence Malick, non? Exactement. Pour Matt Damon. Pour Wes Anderson. Sean Penn. Sean Penn, non. Il a des yeux magnifiques. Ouais. Très connu ou pas très connu? Il a une bouche un peu. On lui donne parfois les méchants, vous voyez? Ouais. C'était dans La Dernière Tentation du Christ, évidemment. Ouais. Non, c'est un très beau mec. Bah, beau, je suis pas sûr qu'il soit beau, je trouve pas beau. Elise et Moon. Bonjour, je suis Jésus-Christ. Je peux vous citer. Si c'est blond, il a force de poitrine, ça m'intéresse aussi. Amen. Mais amène-moi vite. Tenez, ceci est mon corps. Je peux vous dire dans quoi il a joué, si ça peut vous aider, cet acteur qui fut Jésus-Christ, donc pour Scorsese. Il a joué aussi dans Platoon, Sailor et Lula, dans Spider-Man. Michael Keaton? Non, Michael Keaton. Tobey Maguire. Non. Il faisait le Joker, non? Un homme très recherché. Est-ce qu'il a une tête bizarre? Eh ben oui, c'est ce que je vous dis. Mais cet acteur, c'est pas Nicolas Cage. Ce n'est pas Nicolas Cage. C'est celui qui fait le bouffon vert dans Spider-Man. Exactement. On parle de lui. Et mais je connais que lui. Je veux avoir au moins une bonne réponse dans les grosses têtes, d'accord? En 2 émissions, j'en ai 0. Il a joué Van Gogh aussi. Oui, bien sûr qu'il a joué Van Gogh. Oui, il a joué Van Gogh. Vous savez? Parce qu'il y avait Kurt Douglas, mais c'est pas. Il était aussi dans The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il était dans Pasolini d'Abel Ferrara. Il était dans La Grande Muraille, dans Seven Sisters. Moi, je le connais, mais je le dirai pas. Ça, c'est drôle. Hervé Kettel, non, mais... Non. C'est pas loin. C'est un nom pas facile, d'ailleurs, à prononcer. Les deux initiales. Ah, bah, puis quoi encore? S'il vous plaît. Ah, non. Oh oui, Laurent. Juste le prénom, gentil. C'est effectivement un des acteurs fétiches d'Abel Ferrara. Ouais. Il a joué pour Oliver Stone, pour Martin Scorsese, pour Julian Schnabel, pour Wes Anderson, Lars von Trier. Il a des origines italiennes, d'ailleurs, au départ. Son nom est italien. Il est américano-italien. il a la double nationalité. Son nom sonne un peu italien ? Bah non, non, non. Non mais... ça sert à rien. Ah, pourquoi il nous dit ça alors ? Le prénom, Laurent, le prénom. Ah non, non, pas, non, le, pas prénom, le prénom. Non, non, non. Allez, si je vous donne initiales. Le prénom. Les initiales. Si les initiales. Si je vous donne le prénom, vous avez le nom. Allez, on a 15 secondes. Et puis, il y a sûrement quelqu'un qui va toucher 100 euros dans la salle. Les initiales. Je ne vais pas vous aider. Là-bas, il y a déjà des mains qui se lèvent. Il y a un monsieur qui lève la main. Ah, mais oui, oui, on va donner 300 euros. Lève la main droite. Non, mais avec ton cerveau tout jeune, tu ne trouves pas ? Ça, c'est une question contemporaine. Mais oui, mais je vois très. Mais c'est horrible. On voit tous ce qu'il sait. Non, non. C'est pas Paul Prébois, quand même. Gérard Jugnot. Eh ben c'est perdu. Hein. Je pensais pas qu'on perdrait 300 euros avec ça. Levez la main dans le public si vous avez le nom. Il y a deux, trois mains qui se lèvent. Monsieur Dauduic, faut vous bouger maintenant. Allez, puisque vous n'avez pas trouvé la réponse. Quand on a pas de tête, faut avoir des jambes. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Christian. Et le nom de cet acteur qu'on cherche depuis ? Willem Dafoe. Willem Dafoe ! Oui, Willem Dafoe, on vient de perdre 400 euros. Belle RTL. Belle RTL, il est 17h. Le RTL Info, c'est avec vous Olivier Schoenbrodre, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Moins de 48 heures après l'attaque terroriste d'Abdesalem Lassoued à Bruxelles, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a rendu hommage aux victimes. Avec notre Premier ministre et plusieurs responsables politiques belges, il s'est recueilli Square 5 Telette et devant l'immeuble où a eu lieu l'assaut sanglant. Après la cérémonie, les deux premiers ministres se sont exprimés et tous deux réclament plus de sécurité pour plus de liberté. La liberté demande aussi d'être ferme sur la sécurité. Face aux terroristes, nous devons encore augmenter les mesures de sécurité pour protéger notre liberté et notre société. Et c'est la clé. La seconde clé, c'est évidemment la protection des frontières. Je suis convaincu que si nous travaillons ensemble en Europe, nous pouvons faire de la politique d'immigration et d'asile un meilleur système. Je suis convaincu que nous pouvons le rendre plus humain, mais aussi plus juste. Nous sommes totalement engagés pour réussir ça et faire les efforts nécessaires. Le conflit au Proche-Orient entre dans une dimension qui semble de plus en plus difficile à contrôler. Le bombardement d'un hôpital de Gaza en est l'illustration, avec des centaines de morts hier soir. Ce mercredi, 5000 manifestants se sont retrouvés devant l'ambassade d'Israël en Jordanie. Des milliers d'Égyptiens défilent aussi en soutien aux Palestiniens dans plusieurs villes du pays. Chez nous, cette macabre découverte dans une maison de Trois Ponts en province de Liège. Deux corps sans vie ont été retrouvés. La police a reçu un appel hier en fin de journée pour signaler qu'une dame était décédée dans une maison du village, un appel anonyme. La police a découvert effectivement une dame de 51 ans sur place. Sa dépouille était lardée de coups de couteau. Mais les policiers ont aussi retrouvé le corps du mari pendu. Les enquêteurs doivent encore déterminer si c'est l'époux qui a appelé la police. Les magasins Inno en Belgique sont à vendre. La maison mère, le groupe allemand Galeria, souhaite céder la chaîne Inno, présente chez nous avec 16 points de vente. Les négociations concrètes sur la vente n'ont pas encore commencé. Pour l'instant, rien ne change pour les 1000 employés en Belgique. La filiale belge a bouclé l'année 2022 avec un bénéfice de 2,6 millions d'euros et elle procède à un rafraîchissement de ses commerces. Galeria espère 50 millions d'euros avec cette vente. Ryanair débouté, la compagnie low cost avait introduit un recours contre les aides accordées à Brussels Airlines pendant la crise sanitaire. Le tribunal de l'Union européenne rejette le recours de Ryanair alors que la compagnie belge précise qu'elle a déjà remboursé intégralement le prêt accordé à l'époque par l'État belge. Sport tennis, le tournoi d'Anvers, c'est le deuxième tour ce soir avec le match entre le Liégeois David Goffin et le Français Giovanni Pecci-Péricard. Match prévu aux alentours de 19h à vivre en direct sur RTL Club et RTL Play. L'ensemble du tournoi est à suivre sur notre plateforme RTL Play. Enfin, demain, l'hôtel de ville de Bruxelles sera vêtu de rose pour la journée de lutte contre le cancer du sein. L'occasion d'envoyer un message fort et de montrer son soutien aux personnes qui souffrent ou ont souffert d'un cancer du sein. Son soutien aussi à l'entourage des femmes concernées. Illumination complètement rose donc demain entre 21h et 23h. La maladie touche une femme sur neuf dans notre pays. 17h03, c'est le retour de Laurent Ruquier avec ses sociétaires, les grosses têtes et Nathalie McGill. Et ben voilà, et moi, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier, à bientôt. RTL Mobilité, une échelle se trouve sur la Nationale 4 à hauteur de Longchamp en direction de Bastogne. Elle se trouve sur la bande de gauche. Et puis un véhicule est en panne, c'est sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette en direction de Hall. Attention, il se trouve sur la bande de gauche. RTL Mobilité, votre partenaire sur la route. Vous en avez assez des vieux appareils électriques qui encombrent les bureaux de votre PME, votre école ou votre association ? Contactez Récupel Pickup et faites-les enlever gratuitement. Prenez rendez-vous sur récupel.be/pickup. Récupel ? Repartons de plus belle. Un éclat ou une vitre brisée ? Prenez rendez-vous sur carglass.be et recevez des essuie-glaces Bosch gratuits pour toute réparation ou remplacement. Alors n'attendez plus, prenez rendez-vous sur carglass.be. Carglass répare, Carglass remplace. Infos et conditions sur carglass.be. Bel RTL et RTL TVI présente l'artiste féminine la plus vendue de tous les temps. Madonna. The Celebration Tour. Quatre décennies de musique avec tous ses plus grands tubes. Face au succès, Madonna confirme un deuxième concert en Belgique. Elle sera également le 22 octobre au Sport Palace d'Anvers. Tickets via livenation.be. Madonna. Depuis la routine matinale des experts du bonheur jusqu'aux villes proches ou booker un trip avant l'hiver, la rédac de Gaël sait où puiser l'énergie. Le nouveau Gaël est aussi disponible avec une box Caudalie. À vous la crème de jour, le soin des yeux et le sérum hyper qualitatif pour seulement 12,50€ de plus. Dès maintenant en librairie. L'amour est dans le pré, fête ses 15 ans. Est-ce que tu m'aimes ? Oui. Je suis un homme heureux. L'occasion pour RTL Play de célébrer cet anniversaire en beauté. Secret, trahison, amour, passion. On va pouvoir revoir des images cultes. C'est peut-être bien possible qu'il y ait eu un petit bisou, mais bon. Et on t'a jamais fait ça. Oh non. Vous saurez tout sur L'amour est dans le pré. 15 ans d'amour est dans le pré, à retrouver uniquement en streaming sur RTL Play. Vous avez une grande maison avec piscine ? Pas de minuit, tout le monde à poil ! Ou un petit appartement de ville. Douche de minuit, chacun son tour. Chaque bien est différent, chaque prix aussi. Avec le nouvel outil d'estimation d'Imoeb, découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier. Imoeb, c'est acheter, louer et aussi estimer. Supprimez les sons gênants sur les vidéos. C'est un jeu d'enfant avec la gomme Magic Audio du nouveau smartphone Google Pixel 8. Let's go. Maintenant chez MediaMarkt. Belle RTL. On est là. On est là pour vous divertir. Toujours avec Philippe Claudel, Gérard Jugnot, Chantal Latsou, Michel Bernier, Roman Doduic et Élise Moon. Je vais passer à des questions plus faciles, parce que je vois bien que là, on est en train de perdre la comptabilité de RTL. Déjà, deux chèques de distribuer, c'est beaucoup pour notre station, vous savez, par les temps qui courent. Là, si vous avez lu Le Figaro, vous saurez répondre. Pour M. Corriche, de l'île d'Abo, dans l'Isère, pouvez-vous me dire sur quoi un chercheur autrichien a-t-il enquêté, le mot est fort en tout cas, a-t-il fait des recherches, recherches qui n'avaient jamais été réellement faites jusqu'à maintenant et surtout on n'avait pas l'explication. Qu'est-ce que M. Herbst, c'est son nom, bioacousticien de l'université de Vienne, qu'est-ce que ce chercheur autrichien a-t-il trouvé dans ses recherches? Willem Dafoe. Non. Sur l'oreille, Les mammifères marins. Les mammifères marins, non. Les poissons. Les poissons, non. Il a entendu quelque chose que personne n'a jamais entendu. Ah non, ça, tout le monde l'a entendu, mais lui donne l'explication. C'est une page entière dans Le Figaro aujourd'hui. Mmh. Une nouvelle piste pour expliquer le mystère de l'écho. Alors, c'est un son animal. Ça pourrait être le jeu du ding-ding que je vous propose, puisque le titre exact de la page du Figaro, c'est page science, et c'est un gros titre. Une nouvelle piste pour expliquer le mystère du... Ah, c'est du. C'est un truc. Et ça concerne le son. Ah oui, ça concerne le son, puisqu'il est bioacousticien. Les ultrasons. Monsieur Christian Herbst de l'université de Vienne. Du larsen. C'est les trucs des chauves-souris, là. Les chauves-souris, non. Ça concerne le silence. Le silence, non. C'est peut-être la question la plus simple du jour. Du mur du son. Non, du mur du son, non. Mais c'est, on l'entend tous, ça. Ah bah, on l'entend tous, pas tous les jours, tout le temps. Mais c'est des sirènes, bruits. Les sirènes. Moi, je vais vous dire. Ouais. Alors, je vais vous. Si ça peut vous aider. Ouais. J'ai rarement, moi, entendu ce son. Il y a une explication à ça, d'ailleurs. L'orgasme féminin. Enfin, j'ai entendu ta sœur. Ça concerne les femmes ? Ça ne concerne pas les femmes, non. C'est un son produit par l'humain ? Ce n'est pas un son produit par l'humain. Ce sont des bébés ? Non. Animal ? Animal, oui. Ah, les chiens ? Les chiens, non. Les souris. Alors ? Du miaulement. Le ronronnement. Le ronronnement du chat. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui. Il y a quelqu'un qui s'intéresse au ronronnement du chat ? Bah absolument. Oui. Moi, parce qu'il y a la ronronthérapie. Il se trouve que je suis allergique au chat, donc j'ai jamais entendu un chat ronronner, parce que dès que je l'ai sur mes genoux, le chat me fait pleurer. Vous éternuez. Et moi, je le fais très bien, si vous voulez. De quoi donc ? Le ronronnement du chat. Allez-y. C'est le chien, ça. C'est le chien, ça. Alors là, c'est un chien-chat. Remettez vos dents. Le mystère du ronronnement des chats, voilà ce sur quoi s'est penché cet acousticien, bioacousticien réputé, paraît-il, de l'université de Vienne. Personne n'avait vraiment jamais étudié d'où venait le ronronnement du chat. C'est le passage de l'air dans le larynx du chat qui provoque des vibrations typiques. Et en aucun cas, comme on a pu le penser parfois, en aucun cas une contraction musculaire particulière. Non, c'est l'air qui passe dans le larynx. Comme un ronflement. Mais c'est quand il est heureux aussi. En plus, c'est souvent quand il est heureux. Ah, c'est quand il est heureux. Oui, parce que quand on ronfle, c'est pas obligatoirement quand on est heureux. Et surtout, et la partenaire ou le partenaire. Pas... On ronfle après avoir été heureux éventuellement, mais non, pas pendant. Voilà. Si vous commencez à ronfler pendant que vous faites l'amour. Évidemment, c'est embêtant. Vrai. Alors que si vous ronronnez, ça peut être bien. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Alors, il paraît que ça correspond, ce ronronnement, à ce qu'on fait maintenant aussi en musique, qui s'appelle le vocal fry. Vous connaissez ça, le vocal fry ? Non. Il paraît que Britney Spears le fait dans une de ses chansons. Oh, baby, baby, how was I supposed... Voilà, ça, c'est un ronronnement. Ah, ouais. Elle ronronne. Elle chante dans la gorge. Je me demande si je préfère pas les chats, finalement. Ça ronronne souvent. Qui a un chat ici, alors ? Moi, j'ai un chat à la maison. Il s'appelle Tango. Il est mignon. Il m'envoie chier toute la journée. C'est terrible. Tango. Tango, c'est le nom du chat. Ouais, il ressemble vraiment à Félix le chat. C'est vraiment un chat noir et blanc. Et c'est le bruit du chat. Alors, le chat qui ronronne, est-ce qu'il fait le ronronnement que Madame Latsou a tenté d'imiter il y a quelques secondes ? Ça, c'est un tigre. Moi, je vous dis, si mon chat fait ce bruit-là, je l'emmène chez le véto et je le pique. En même temps que vos parents, donc. Oui. Tu vas passer un petit temps en prison, toi, j'ai l'impression. Ça va être terrible. C'est une émission spéciale chat, là, après Félicette. Ah, bah oui, Félicette, écoutez, c'est pas moi qui invente l'actualité. Donc il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est vous qui choisissez. Il se passe pas grand-chose en ce moment. Oui. Donc ouais, bah non, on le sait, hein, voyons. Donc, bien sûr. C'est pas le chat d'Iran, hein, non, non. C'est le mystère du ronronnement des chats. J'invente pas une page dans le Figaro aujourd'hui, signé Tristan Veil, mais c'est, il faut le dire, intéressant. Un peu d'éthologie ne fait pas de mal. Et... Oui, c'est un grand pas pour l'humanité, c'est vrai. Mais il faudrait mieux chercher le mystère de la connerie humaine, au moins ça rendrait service. Mais quoi. Écoutez, en tout cas, voilà, ce chat. Mais c'est intéressant parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, ce ronronnement. C'est ça le problème. Mais apparemment, moi j'avais un chat chien, si vous voulez. C'est quoi un chat chien ? C'est-à-dire, je le promenais dans le bois de Boulogne. Il n'aimait que Michel. Ah oui ? Ah oui ? Michel, c'est le mari de Chantal. Oui, je sais. Qu'elle promène dans le bois de Boulogne. On laisse. Au bout de ça, laisse. T'es sûr que tu confonds pas ? Ouais, t'as dû confondre, Chantal. Il ronronne, Michel ? Oui, il ronronne, Michel. Il y a des gens qui Michel promènent en laisse leurs enfants. Il y a des gens qui ressemblent à des animaux. On a tous un parallèle avec un animal. Ouais. Michel est un chat. Et vous-même, alors, vous êtes plutôt quoi, vous ? Plutôt chien. Ah oui. Ah plutôt oui. Chien faux. Ah oui. Excusez-moi, je bave un peu. Grenouille, alors. Grenouille et vieille chouette en même temps. Laurent Ruquier revient dans un instant sur Bel RTL. Bel RTL, on est là pour s'entendre. Sandrine Corman. Comment protéger nos enfants des maladies automnales? Comment éviter au maximum qu'ils tombent malades en cette période? Sylviane Zalone, la porte-parole de l'ONE, nous donnera tous ses conseils ce jeudi entre 11h et midi sur Bel RTL. La clé du Noudi est bien plus qu'une clé. Elle vous ouvre un monde de luxe, de design et de technologie. Et elle vous attend dès maintenant. Jusqu'au 30 novembre, choisissez parmi plus de 2000 audits de stock immédiatement disponibles et profitez d'une réduction allant jusqu'à 15 000 euros. Infos et conditions chez votre distributeur Audi ou sur audi.be. Réaliser vos ambitions, saisir les occasions et donner chaque jour le meilleur de vous-même pour votre pays. Travailler pour l'administration fédérale commence sur travaillerpour.be. Si vous aimez le sport, la question qui arrive est peut-être pour vous. Et en plus, on va avoir droit à une super belle histoire. À une question sportive pour Sandrine Drujon. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Madame Régine Roucou, qui est présidente d'un club, un club de judo. Et la particularité de Madame Roucou, c'est qu'elle est toujours présidente de son club de judo et qu'elle vient toujours avec son kimono à 75 ans. C'est une belle histoire qu'on vous racontera dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais que vous me disiez, en vue des Jeux Olympiques qui se passeront en 2024, quels sont les 5 pays qui ont des chances d'avoir le plus de médailles au JO 2024? Quel est le top 5 mondial? Si par exemple on devait s'arrêter aujourd'hui en faisant le calcul, on va dire des classements de tous les sports et tous les pays réunis sur la base des résultats dans toutes les disciplines olympiques pour 2023. USA, il serait deuxième plus grand nombre de médailles. Alors les Chinois. Les Chinois en 1, oui. Le Japon. Le Japon en 4. Australie, non. Non, l'Allemagne. La Chine. L'Australie n'est que 6e. L'Allemagne. L'Allemagne n'est que 9e. La France. La France est 5e, c'est pas mal. Ouais. Effectivement, vous en avez 4 sur 5. 1, Chinois. 2, Américains. Il vous manque le troisième. 4 Japonais, 5 Chinois. En plus grand nombre de médailles possible pour l'année prochaine. Les autres, c'est un Européen ? Européen. Russe. Suède. Non. Norvège, non. Pologne. La Bulgarie. Belgique. Non. Italie. Non. Espagne. Pologne. Non. Portugais. Portugal. Non. Suisse, Belge. L'Angleterre, on l'a dit. Vous n'aviez pas dit l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne. Eh oui. C'est d'ailleurs ce qui m'a surpris le plus. Je ne pensais pas que les Anglais étaient aussi forts dans différentes disciplines, puisque c'est eux qui, a priori, pourraient obtenir le troisième rang en nombre de médailles au JO l'année prochaine, si on se base sur les résultats actuels, toutes disciplines confondues. On sait que nous, on a évidemment beaucoup de chance en cyclisme, éventuellement en escrime, en natation, en triathlon, en voile, en équitation et en judo. Ouais. D'où notre coup de fil à Madame Roucou. Bonjour Régine Roucou. Bonjour. Alors, je suis enchantée d'être avec vous. Ah ben nous aussi on est enchantés. 75 ans, une vie entière sur le tatami. C'était le titre du Parisien il y a quelques jours. Ça fait 46 ans que vous êtes présidente d'un club de judo. Tout à fait. Et en mars prochain, ça fera 47 ans. Et est-ce que vous pratiquez encore le judo à 75 ans, Régine ? Alors moi, je fais un peu de judo, car vous savez, dans le judo, il y a le respect. Et donc, fatalement, quand je fais du judo avec des partenaires, il y a le respect et je sais que je n'aurai jamais un accident. Vous ne les balancez pas par-dessus votre épaule, tout de même ? Ah, ça peut, hein ? Ah oui. Vous avez la forme, alors, encore, Régine ? Ah mais totalement, oui. Puis en plus, moi, je fais encore du taekwondo, assouplissement et renforcement musculaire. Jusqu'à quel âge, à peu près, on peut pratiquer le judo ? À mon âge, notamment. Et après, on fait beaucoup de travail au sol, ce qui est très complexe, mais très intéressant. Vous êtes à Cormeil, en Parisie. Vous avez dû en voir passer des judokas sur le tatami. Il y a beaucoup d'enfants qu'on inscrit au judo et qui abandonnent. Pourquoi ils abandonnent ? Il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent parce que finalement, peut-être que le ballon, c'est moins subtil, peut-être, je ne sais pas, mais qui reviennent. Qui reviennent et qui ont fait 3 ans de judo et qui reviennent, ils sont papas, Ils reviennent avec leur enfant. Ah oui, ils veulent faire subir à leurs enfants ce que leurs parents leur ont fait subir. Non, parce qu'eux, ils reviennent eux-mêmes. Vous êtes ceinture noire, troisième dan, c'est ça, Régine ? Oui, tout à fait. J'ai passé mon troisième dan à 56 ans. Vous savez que Brigitte Macron est première dan. Ceinture noire de chez Vuitton. Régine, quelles ont été vos idoles, puisque vous avez vu passer pendant plusieurs décennies, quels ont été les grands judokas et les grandes judokates qui ont été vos idoles, puisqu'on parlait de nos chances de médailles? Teddy Riner, évidemment, qui a encore une chance pour l'année prochaine. Ah bah tout à fait, tout à fait, tout le monde compte sur lui. Mais je vais vous parler plus du passé. Cathy Fleury, qui a été championne olympique... vous avez eu aussi David Douillet. Qui a fait du judo ici? Moi, j'étais judokate. C'est pas vrai. Si. Chantal? Avant la ceinture marron, c'est Dieu. Et j'ai adoré ça. La ceinture marron, c'est maintenant. Non, mais j'ai... Ne ris pas, toi, dis-moi. Alors, j'ai... Non, j'ai... C'est un super niveau, la ceinture marron. Il y a la ceinture blanche, ceinture jaune. Bah, c'était orange, moi. Orange et marron. Monsieur Junio... Non, verte. Ah, verte. Bleu. Alors, je ne me souviens plus. J'ai adoré faire orange, ça. Orange, c'est quoi? C'est un opérateur, Gérard. Moi, je me suis arrêté à ceinture jaune. Vous aussi, vous avez fait du judo. Ouais. Vous aussi, vous avez fait du judo. Mais quand j'ai vu qu'il fallait se prendre la douche avec tous les copains, ça ne m'a pas plu. Ah, moi, c'est ça qui m'a tiré, moi. Ah oui, c'est marrant. Hein. Les concours de bites. Ouais. Et là, on a commencé l'escrime. Régine, en tout cas, bravo pour cette longévité, ce dévouement, parce que pour être présidente d'un club de judo, il faut être très, très dévoué. Et on espère effectivement... Pas avoir du cran. On espère qu'on aura d'autres médailles d'or au JO 2024. On vous embrasse et on félicite Régine, 75 ans, toujours sur le tatami. Votre rendez-vous avec les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. Être fier de travailler, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, être utile à la société. Chez Daoust, nous aidons chaque année 50 000 personnes à trouver du travail. Vous aussi rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust dans un de nos 70 job centers ou sur daoust.be. Fier de travailler, fier d'être Daoust. Welcome to the family. Préparez-vous à vivre des moments en famille sensationnels. Cette semaine, dans votre ciné-télé-revue, profitez de vos privilèges lecteurs pour emmener toute la famille dans les plus beaux parcs de Belgique et de France à prix tout doux. Ambiance festive et magie garantie pour des souvenirs en famille inoubliables. Ciné-télé-revue. Ciné-télé-revue, suivez le guide. Bienvenue dans le monde de l'internet giga rapide avec Orange. Lola, tu pourrais m'envoyer la vidéo de l'anniversaire de Patrick? Voilà, maman. Ah, super, merci. Et la photo de Marty? C'est fait. Ah, et aussi, tu sais, les fichiers de l'année. Ce sera tout. Waouh, merci chérie. C'est impressionnant, hein. Profitez vous aussi de l'internet giga rapide avec le pack Love d'Orange. Internet giga rapide et 20 gigas de data mobile pour 61 € pendant 6 mois. Conditions sur orange.be. Orange. Vous êtes sur Belle RTL. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Hola, va au cañoso, benabi. Belle RTL, tous vos titres préférés. Plus de plaisir, plus de musique. Belle RTL. On est là. On est là. On est là. On est là pour vous divertir. À votre avis, qui va répondre à la question suivante? Enfin, avant ça, il faut écouter ce que Laurent dit. Et ça, eh ben, c'est pas toujours gagné. Je vous emmène dans les Yvelines, c'est pas très loin pour la question suivante. Question à destination de monsieur. De voyager un peu. Oui, monsieur Roland Saldier, qui habite à Comines, dans le Nord, espère un chèque RTL. Tout est possible aujourd'hui. Là, j'espère quand même. C'est pas dans les Yvelines Comines, non. Comines. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'était pas la question. Ah, d'accord, oui. Si vous suiviez ce que je dis, Chantal. Dans les mines. Je vous dis que moi, je vous emmène dans les Yvelines pour la question qui vient. Mais la question, elle, est associée à monsieur Saldier, qui lui habite dans le Nord, Comines. À Comines. Pas dans les Yvelines. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris, voire répété? Alors, cette question vient de... Vous allez parler de quelque chose dans les Yvelines. Voilà. Qui s'est passé dans les Yvelines. Voilà. Et la question est posée par monsieur Comines. Non, enfin, monsieur Gabine habite à Comines. Elle n'est pas posée par lui. Elle est associée. Il est associé à la question. C'est pas lui qui la pose. Les gens n'envoient plus les questions depuis 40 ans. Ah, d'accord. Non, mais alors, par contre, vraie question, c'est pas les auditeurs qui envoient les questions qu'on entend depuis. Non. Mais alors, quand vous dites cette question nous vient de Gérard, non, je dis jamais ça. Jamais ça. Alors, ça prouve que vous ne m'écoutez pas non plus. Non, pas tant que ça, visiblement. Moi, mais elles sont associées. Non, mais je dis une question pour, pas une question de. Donc vous dites une question pour quelqu'un, oui, qui habite en Eure-et-Loire. Mais alors comment ça, c'est pour lui? C'est qui cette personne alors? Je peux dire à ses parents d'arrêter d'envoyer des questions. C'est bien d'être auditeur d'RTL en fait. Non, mais. Vous faites rien et vous gagnez 300 balles. Je crois que je vais ressortir déprimé de cette émission. Non, mais c'est ma deuxième émission, j'apprends encore, je connais pas moi comment ça marche. Moi, je vais t'expliquer. Explique-moi, Chantal. Ce sont des gens qui écrivent des questions. Mais non, Ouais, mais c'est ce que je croyais, Chantal, voilà, on est d'accord, c'est ça. Les gens écrivent les questions et les envoient à la station. Laurent les dit. C'est moi qui les écris. Les auditeurs s'inscrivent sur le site rtl.fr pour s'associer à une question. Voilà. Et alors, si on perd 300 euros, c'est pour vous, alors? Moi, je comprends plus rien. Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'inscris sur le site RTL, je dis bonjour, je suis Romane Dodwick, on m'associe à une question comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez dire, tiens, cette question est associée à Romane Dodwick, alors que même pas Willem Dafoe. Coup de bol, tu prends 300 balles ou quoi? Je m'associe à la question, et si jamais les grosses têtes ne trouvent pas, j'ai 300 balles en chèque. Voilà. Mais elle est géniale, cette émission. Je vais l'écouter. Allez, une question pour Romane Dodwick. Pour monsieur Roland Saldier, donc, qui nous a envoyé une question. Moi, je comprends plus rien à l'émission. Mais il y a longtemps, il y avait pas clair. Non, plus, pas du tout. Non, à chaque fois, je vous dis, c'est pour monsieur Saldier de Comines que je pose cette question. Et cette question nous emmène, elle, dans les Yvelines. On a un bon résumé de la chose. Là, maintenant, je crois que tout le monde a bien compris. Et dans les Yvelines, il y a un moulin qui s'appelle le moulin de Villeneuve. Et ma question, c'est à qui appartenait ce... Claude François. Non. À qui appartenait ce moulin de Villeneuve? Don Quichotte. Balkany. Non. Un moulin célèbre. Michel Legrand ? Non. Moulin célèbre parce qu'il fait partie des 200 maisons d'écrivains qui existent en France. Maison qu'on peut visiter. Alphonse Daudet ? Non. Gustave Flaubert. Du bureau, c'est un papier dans Marianne publié aujourd'hui. Du bureau de Victor Hugo jusqu'à la chambre de George Sand, la France est parsemée de pas moins de 200 maisons d'écrivains qu'on peut visiter. C'est parfois d'ailleurs compliqué pour les communes d'entretenir ces lieux, évidemment, dans lesquels les écrivains... C'est pas la peine de sonner chez moi, je fais pas visiter. Hein. C'est vrai. Ah, votre maison, Philippe Claudel, on pourra pas la visiter jour. Non, qui sait? Ah, dis donc, tu pourrais faire un petit apéro quand même. Quand tu veux. La maison de Balzac dans le 16e? Non, c'est un ancien moulin à eau, ce moulin de Villeneuve. Il y avait un écrivain et une écrivaine. Georges Sand. Non. Ah, Colette. Non. Ils écrivaient à deux. Un chevalier d'Éon. Non, il y avait un couple dans ce moulin. Aragon, deux hommes. Aragon et Elsa Triolet. Bonne réponse de Philippe Claudel et de Michel Bernier. Eh oui, Louis Aragon et Elsa Triolet vivaient dans ce moulin dans la seconde moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est un musée qui s'appelle la Maison Elsa Triolet Aragon. Et c'est un moulin, le moulin de Villeneuve, ancien moulin à eau. Et il y a comme ça, chez nous en France, c'est fou, plus de 200 maisons d'écrivains qu'on peut visiter. Bah, il fallait bien qu'ils s'installent quelque part. Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Ouais. Moi, j'aimerais tellement visiter la maison de Michel Houellebecq. Ça doit être trop sympa, de ce genre, le sol jonché de mégots. Tu tombes. tu te rattrapes tout de suite, ça doit être super. Il y a des portraits de meufs à poil partout, ça peut être génial. Non, il n'y a que moi qui rêve de ça, visiblement, d'accord, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi que ça fait rêver, Michel Houellebecq. Des doliprane partout, je ne sais pas. Vous, monsieur Junior, vous avez visité une maison d'écrivain déjà? Non, j'habitais à côté de l'atelier de. Dis donc, ça m'est. Ça t'a marqué en tout cas. Alzheimer. Le Botero. Botero. Et j'habitais à côté et j'avais toujours peur qu'il y ait des grosses dames qui montent et qui défoncent l'escalier. Mais... En tout cas, le moulin de Villeneuve était bien le moulin d'Elsa Triolet de Louis Aragon que vous pouvez visiter dans les Yvelines. 20 000 visiteurs par an, hein, quand même. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Bell RTL. Cette semaine sur Bell RTL, remportez vos places ultra VIP pour les concerts de Madonna. C'est ce samedi et ce dimanche que la Madonna est en concert au Sport Palais d'Anvers. Alors vous le savez, depuis lundi, vous pouvez à plusieurs reprises gagner deux places pour aller l'applaudir. C'est un super show. Évidemment, tout est sold out. Donc nous, on a vraiment les dernières places. Et c'est pas tout, puisque vendredi, si vous êtes sélectionné et que vous avez reçu vos deux places, eh bien vous pourrez peut-être gagner le fait que ce soit une expérience ultra VIP. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez aller à Anvers en limousine, qu'il y aura du champagne, des petits fours, ce sera la totale. Alors n'hésitez mais vraiment pas, envoyez Madonna au 66 70, c'est 1 euro par SMS envoyé et reçu. Je vous souhaite bonne chance. La reine de la pop débarque en Belgique avec Bell RTL. Bell RTL. Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal. Et ce jeudi à 9h, c'est le patron de l'hôtel Van der Valk à Charleroi qui mériterait d'être dans le journal. Ben Warman est un des enfants Warman. Il y a très longtemps, le papa Warman, au départ de l'hôtel de Nivelles, a développé un petit empire un petit peu partout en Wallonie pour faire du Van der Valk une marque hôtelière de classe internationale. C'est un des fistons qui mérite d'être dans le journal et qui vient nous raconter l'histoire. Salut, moi c'est Andrea, je travaille chez Colruy. Et en ce moment, il y a moins 50% sur de grandes marques, comme Dash. Eh oui, et c'est valable jusqu'au 31 octobre inclus. Conditions sur colruy.be. Colruy, 50 ans de meilleurs prix. La passion, c'est ce qui pousse un indépendant à en faire toujours plus. Chez Vous Business, nous partageons cette même passion pour vous offrir le meilleur. Comme une expérience internet garantie, satisfait ou remboursé. Parce que nous sommes sûrs de nous et sûrs de notre internet. Vous Business, la garantie d'être mieux. Chez Vous Business, tous les packs pro sont à 40 euros par mois pendant 6 mois. Et en plus, le mobile est à 50% pendant un an pour vos collaborateurs. Alors appelez le 0800 43 333 pour plus d'infos. Cet hiver encore, Engie sera à vos côtés et aux côtés de la famille Delvigne qui se demande si elle pourra réduire son budget énergie. Bah oui, je veux bien, mais comment on fait? Stop! C'est une bonne question et on a la réponse. Tous ensemble, l'hiver passé, nous avons réduit notre consommation d'énergie de 15%. Et ceux qui utilisent les outils Check and Save d'Engie ont même doublé ce chiffre. Ah mais moi aussi je veux ça! Alors passons tous en mode Check and Save et réduisons notre consommation et notre empreinte carbone. Découvrez nos outils sur engie.be. Engie, notre énergie sera toujours de votre côté. Bell RTL et RTL TV présentent Curios du Cirque du Soleil. Après 6 ans d'absence, le Cirque du Soleil de retour sous le grand chapiteau. Entrez dans un monde de curiosité, d'excitation et d'acrobatie palpitante. Un spectacle à couper le souffle. Un univers fascinant. Curios, le cabinet des curiosités. Jusqu'au 5 novembre seulement, à Bruxelles Expo, sous le grand chapiteau. Tickets via cirquedusoleil.com/curios. Tintin arrive à Bruxelles. Des fonds marins à la Lune, en passant par l'Égypte ou l'Indonésie, plongez dans les enquêtes haute en couleur du héros à la houppette. Tintin, l'aventure immersive. À découvrir dès aujourd'hui à Tour et Taxi Bruxelles. Avec Bell RTL et RTL TVI. Quand des conflits éclatent, Moustique analyse. Quand la musique résonne, Moustique se déchaîne. Moustique, c'est l'actu décodé et la société décryptée. Façon décalée. Moustique, l'hebdo qui pique. Abonnez-vous maintenant et recevez 23 numéros gratuits sur moustique.be/j'en-profite. On est là pour vous rassembler. Dans quelques instants, on va parler d'une personne qui fête son anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, si c'est votre cas, je vous souhaite un très très bon anniversaire. Profitez-en un max et faites-vous chouchouter. Un anniversaire, il a 40 ans aujourd'hui et il est toujours en exercice. C'est assez rare pour un footballeur. Je vous demande de retrouver le nom de ce footballeur qui est toujours sur les terrains à 40 ans. Il est né le 18 octobre 1983. Il est français ? Il est brésilien, mais il joue en France. Ah, il joue en France, dans une équipe genre PSG ? Non, il joue à Nice. À Nice ? Ah oui ! Je peux vous dire parce que je sais très... Oui. De D1 oui, enfin de... Nice, c'est de la D1. La Ligue 1 maintenant. La Ligue 1, pardon. Oui, c'est la Ligue 1. La D1, c'est départemental. Voilà. Mais ça n'a aucun rapport. C'est le Brésilien de Nice. Et alors, il a un nom brésilien ? Il a un peu la chevelure, vous voyez, de M. Doduic. Ça se trouve, c'est moi. Est-ce qu'il a un nom brésilien ? Non, il a. Alors, je vais vous aider un peu parce que je vois bien que vous n'y connaissez rien en football. Mais vous avez l'ardeur qu'on y met quand même. Mais oui. C'est le défenseur central de l'OGC Nice. Ça nous aide, ça. Il a 40 ans aujourd'hui et c'est très rare de jouer à 40 ans sur un terrain de football. Et d'ailleurs, il y avait un papier dans Nice Matin aujourd'hui, c'est logique, hein, dans Nice Matin. Le capitaine brésilien de Nice, dont il a défendu le maillot à 255 reprises, fête aujourd'hui son 40e anniversaire, une longévité exceptionnelle. 40 ans bénis des dieux. Je vais vous donner son nom. Mais indirectement, parce que son nom, c'est à vous de le retrouver. Mais je peux vous dire que c'est aussi un grand poète, écrivain, quelqu'un qu'on considère, on va dire, peut-être comme le père de la langue italienne. Ah, le père. Dante. Dante, bonne réponse. Eh oui. Ah oui, c'est lui qui a inventé la cuisson des pâtes. Pardon ? C'est lui qui a inventé la cuisson des pâtes. Non, Al c'est Dante, son frère, oui. Al. Son frangin. Ah, heureusement que vous connaissiez Dante Alighieri pour trouver le nom du footballeur. Autrement, je crois qu'on distribuait encore un chèque de 300 balles avec cette affaire-là. Il y a des gens qui n'ont pas posé de questions, en fait. Moi, ça me rend dingue. Hein. Qu'est-ce qui vous rend dingue ? Cette histoire que ce n'est pas les gens qui posent les questions. Ça fait deux émissions que je fais et que je me dis, les gens posent des questions pointues quand même. Hein. Ils ont des connaissances. C'est altruiste, RTL. L'auteur de la Divine Comédie, mais Dante, c'est donc aussi le nom de ce défenseur niçois qui joue encore à l'âge de 40 ans. Vous venez de ronronner, Chantal. Mais je ronronne. Ça, c'est le brame, elle va bientôt bramer. C'est la saison. Oh, ça, c'est un brame, c'est sûr. Ah, non, c'est pas pareil, le brame. Le brave, ça, j'adore ça, moi. Ah oui. Ça dans un état, c'est pas bête. Avant, c'était Pierre Bénichoux qui faisait les bruits des animaux. Ah oui. Maintenant, c'est Chantal là-dessous. Et le cochon qu'on égorge. Je vais faire le cochon aussi, alors, Chantal. Oui. Là, c'est la vieille cochonne. Alors. Ah. Je peux faire la mouette. C'est pas une mouette. Ça, c'est pas à aucun moment, c'est une mouette, ça. C'est rien du tout. Alors, ça, c'est une mouette de nuit qu'on le appelle loup. Une chouette. Le loup. L'âne. Attendez, Chantal, recommencez. Oui. Vous n'avez pas fait la bourre depuis combien de temps, Chantal ? Une autre question littéraire pour Caroline Louvain. Mme Louvain habite Clermont. Et cette question, normalement, grâce à M. Claudel, devrait trouver réponse. En effet, je vais vous demander d'identifier quelqu'un qui a 42 ans, a épousé une jeune femme de 24 ans qui s'appelait Marie Soulange Dupéré. Il l'a épousée en 1786, a reconnu l'enfant qu'elle avait déjà, et ils en ont fait ensemble deux autres. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est resté fidèle à cette épouse et a même été un père attentionné pour ses enfants. Militaire de carrière, il fut capitaine de bombardier, mais de qui s'agit-il ? Mais là, il faisait quoi ? Il était écrivain ? Oui, écrivain. Ah. C'est la question est très longue, j'oublie le début. Mais quel est l'écrivain ? Un écrivain français. C'est pas Beaumarchais. Ce n'est pas Beaumarchais. C'est pas le Marquis de Sade. Ce n'est pas le Marquis de Sade. Des romans ? Alors, monsieur Claudel, ici, oui. Il s'agit de trouver qui c'est, pas oui, qui oui, c'est oui, pas. Non, mais je procède non, par c'est élimination. Par rapport au fait qu'il était fidèle, c'est ça ? C'est-à-dire qu'effectivement... Parce qu'il avait une réputation de... On aurait pu imaginer qu'il avait multiplié les aventures. Chauderlot de Laclos. Et c'est Chauderlot de Laclos. Bonne réponse de Philippe Claudel. Vous nous avez aidé. Chauderlot, il y a chaud déjà. Ah ouais, l'auteur des Liaisons dangereuses, évidemment. Un des chefs-d'œuvre de la littérature française. C'est son chef-d'œuvre, il n'a pas écrit grand-chose d'autre. Non, c'est l'œuvre la plus connue. Et oui, il était militaire de officier de carrière. Il a demandé un congé de 6 mois pour écrire ce chef-d'œuvre qu'il a écrit à Paris. Et il a été promu ensuite capitaine-commandant des canonniers. Au moment où il achevait son chef-d'œuvre, il a confié son livre à un éditeur qui s'appelait Durand-Neveu. Livre publié de façon anonyme au départ en 4 volumes, mais qui a tout de suite eu un succès immédiat et fulgurant. Le livre a été traduit en anglais dès 1784. Ça paraît dingue quand même. Oui, ça c'est assez rare. Assez rare à cette époque-là. Un best-seller de l'époque. Et effectivement, il a épousé à 42 ans une jeune femme de 24 ans, mais il était réellement amoureux de Marie Soulange Dupéré. C'était bien Chauderlot de la Clos. Le prénom de Chauderlot de la Clos ? Non. C'est un prénom d'aujourd'hui ? Un prénom tout simple, et ça n'était pas la question. Mais bravo monsieur Junio, c'est Pierre Chauderlot de la Clos. Bonne réponse collective. 15h30, 18h, les grosses têtes avec Laurent Ruquier sur Bel RTL. Vous en avez assez des vieux appareils électriques qui encombrent les bureaux de votre PME, votre école ou votre association? Contactez Récupel Pickup et faites-les enlever gratuitement. Prenez rendez-vous sur récupel.be/pickup. Récupel, repartons de plus belle. On est là. Et oui, on est là toute la journée avec vous sur Bel RTL. Ce sont les grosses têtes. Et là, tout de suite, c'est l'invité du jour. Une invitée du jour qui connaît bien d'ailleurs l'émission. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour multiplie les scènes parisiennes puisque je vois dans son agenda s'afficher l'Apollo Théâtre, l'Européen, Bobino et ça va jusqu'au 26 décembre à l'Olympia. Son nouveau spectacle s'appelle L'Expérience de la vie. Elle vient de nous voir de temps en temps. Mais là, ce soir, c'est notre invité du jour. Je vous demande d'accueillir Anne Roumanoff. Hey. Anne Roumanoff qui sera le 26 décembre à l'Olympia, 29 et 30 octobre à l'Européen, en novembre à Bobino. Et c'est cette semaine, l'Apollo Théâtre. Bienvenue à Anne Roumanoff qui s'installe, qui connaît tout le monde ici, Chantal Latsou y compris. Vous voyez qui c'est Chantal Anne Roumanoff ? Bien sûr. On la connaît trop. Et vous connaissez depuis la classe avec. On a même dormi dans le même lit. C'est pas vrai. Ouais. C'est vrai. Avec Chantal Latsou. Ouais. Ouais. En Angleterre, on est partis. Mais pourquoi vous avez couché dans le même lit en Angleterre ? Parce que je sais pas, on était copines, on était partis en voyage. Hein ? Non, j'ai une amie qui habite Londres et qui a une maison tout en hauteur comme elle est souvent à Londres. Et on était partie comme ça toutes les deux. On était voir une comédie musicale. Pour voir l'ambiance un petit peu de l'Angleterre, des théâtres, etc. Et donc on a dormi dans une petite chambre en haut dans le grenier. Et il faut dire que moi je me lève très tôt. Donc je suis descendue, puis 9h, 10h, je ne voyais pas Anne Roumanoff descendre. Et en fait, le chien, un gros labrador, un peu comme le vôtre, était devant la porte. Et on n'avait pas les portables à l'époque. Et elle était coincée par le chien, elle avait très peur. Et à chaque fois qu'elle ouvrait la porte, elle faisait... Il ronronne le chien. L'expérience de la vie, ben voilà, c'est résumé, c'est ce qu'on vient de raconter, l'expérience de la vie. C'est dans le spectacle. Peut-être vous avez eu des expériences homosexuelles. Non, pas du tout. Anne, jamais. Non. Il est peut-être temps. Ah non, ça me dit pas. Non. Non. Non, non j'aime bien. Enfin bref. Oui. Ok, ben ça c'est une révélation, en tout cas un scoop pour RTL. L'expérience de la vie quand maturité rime avec curiosité. J'adore lire les dossiers de presse des artistes parce que je dois dire qu'à chaque fois il y a un effort. C'est qu'il faut trouver toujours des choses à dire au bout de je ne sais combien de spectacles, Anne. Vous en êtes à combien de One Man Show ? Je ne sais pas, parce que je fais des dérivés, mais je ne sais pas, 14-15. 14-15 One Man Show. Et dans ces cas-là, c'est joli de lire le dossier de presse parce que je ne sais pas qui écrit à chaque fois. Je crois que c'est moi là. Mais là, c'est on ressort du spectacle le cœur joyeux. C'est moi qui ai écrit ça. T'aurais jamais dû dire ça, Anne, c'est pas possible. T'aurais dû prendre des vacances. On ressort du spectacle le cœur joyeux car Anne Roumanoff, et c'est là une de ses spécificités, parvient à observer ses contemporains, non pas pour les juger, mais pour essayer de les comprendre. Oh, c'est beau. Ah, c'est l'humour beau. D'Anne Roumanoff ne divise pas, il réunit. Ah, ouais. Et c'est beau. Alors voilà, est-ce qu'il y a des thèmes nouveaux quand même, Anne, dans ce spectacle? Il paraît que vous parlez d'un réducteur de queue. Non, non, mais je parle des... Vous savez, de ces nouveaux métiers à la poste, ils ont mis... Ah, à la poste, la queue à la poste. Ouais. Non, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique, Laurent. Et toi, ton problème, Laurent, c'est pas de réduire la queue, c'est de l'agrandir. Non, non, mais oui, je parle de ce nouveau métier. Vous savez, il y a des gens à la poste maintenant qui viennent dans la queue, ils vous disent pourquoi vous êtes là. Et dans le but de réduire la durée de la queue. Ah oui. Ouais. Et alors, ça se passe comment? Eh ben, en fait, ben, je raconte que moi, le mec, il me fait sortir de la queue, il m'amène à une machine, et là, il fallait que je tape l'étiquette moi-même, donc je mets une demi-heure, je galère, et après, je dis qu'est-ce que je fais? Il me dit, vous retournez dans la queue. Ah oui, ça, c'est bien observé. Vous parlez des caisses automatiques des supermarchés, des livres de développement personnel, ça, vous en lisez beaucoup? Ah ben, j'en lis énormément, ça marche pas, mais j'en lis, et donc je fais une fille qui a lu tous les livres et qui essaye toutes les méthodes. Et tu parles des voyantes aussi que tu rencontres? Non. Ah, tu devrais. Parce que ça marche pas non plus. Si, ça marche. Oh non, ah, oh non. Quoi? Si? Ça marche pas. Mais oui. Mais à chaque fois, il y en a une qui te dit un truc. Et bien là, on m'a dit que je rencontrais le grand amour là, cette année, et il me reste 2 mois. Ouais. Et il t'avait pas dit l'année dernière? Franchement, c'est non, ça. Non, il me l'avait dit bientôt. Non, non. C'est ça dont tu devrais parler, je te jure. Un grand amour, là, dans les 2 mois. Ouais. Bonsoir. Non. Vous connaissez Romain Dolu? Oui, on n'a pas dit un petit amour. On n'a pas dit un grand dadais, on a dit un homme, un vrai. On a pas dit... Ah, super, ça fait plaisir. Je vais retourner à la caisse automatiquement. Hein, quand même, vous n'aimez pas les cougars, monsieur Doluic. Moi, je suis ouvert à la vie, vous savez, Laurent. Bah, il faut jamais dire non, c'est important. Ah, profitez-en, 25 ans. Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime bien l'homme. Mais après, maintenant... On peut descendre. Je le prends tellement mal en vrai, les gars. J'aime bien changer de voix déjà. Ouais, on va commencer par ça. Je vais aller voir un réducteur de queue ensuite, comme ça on va gagner un peu d'espace. Un réducteur de voix. On ressort du spectacle, évidemment, en ayant beaucoup ri, comme à chaque spectacle d'Anne Roumanoff. Et c'est vrai que vous avez fait le choix de faire différentes salles, Anne, puisque ça démarre là par l'Apollo Théâtre, Bobino ensuite, non, l'Européen même entre-temps, Bobino en novembre, l'Olympia en décembre. C'est amusant comme ça de faire une sorte de tournée intramuros. Oui, puis j'ai beaucoup de dates en province entre les deux. Donc c'est, oh bah oui, alors ça, c'est pas beaucoup. Elle a des grandes boxes sur l'affiche. Elle est plus en rouge? Ah non. Ah non, il y a longtemps. Ah les gants sont rouges. Les gants sont rouges, c'est un rappel du passé, les gants de boxe. C'est ça. Mais alors la tournée, je vais même pas donner, je peux pas donner toutes les dates parce que c'est pas, il y a 2 pages. C'est-à-dire qu'avant, c'était votre mari qui vous produisait. Je me disais, c'est normal, il veut se faire du pognon. Mais maintenant, c'est elle qui veut s'en faire. Alors, c'est quoi toute cette tournée? Mais c'est pas possible, vous n'arrêtez pas. Oui, mais après, je fais pas autre chose en dehors. Elle a que ça à faire. Sa voyante lui a dit boss. Tu t'auto-produis. Il faut que je montre, le public ne va pas me croire. Regardez, voilà. Ça, c'est 2 pages différentes de date de tournée d'Anne Roumanoff. Oui, mais les gens l'aiment. Dans les semaines qui viennent, faut dire qu'effectivement, elle remplit. Elle cartonne depuis combien de temps maintenant, Anne? Ben, ça fait. J'ai commencé en 87, ça fait 37 ans. Allez, on arrondit à 40. Non, ben non. T'as déjà fêté tes 30 ans de carrière il n'y a pas longtemps. Refais le chat. Va ronronner ailleurs. Moi aussi, je sais faire le chat. Ah oui, vas-y. Écoutez, non, là, franchement. Elles sont aussi nulles toutes les deux. Non, parce que pas que j'ai couché ensemble. Hein. Quand il y a des vrais chats, ils viennent vers moi. Ah ouais, quand je fais le chat, je te jure. Mais tu attires les chats en faisant le bruit. Ouais. Du chat. Ouais. Essaye d'attirer un homme déjà. Je fais ce que je peux. Est-ce que vous allez voir Anne Roumanoff quand elle joue, bien Chantal? Bien sûr, je viens de voir Anne Roumanoff. Non, t'as vu, ça fait au moins 20 ans que t'es pas venu. Non, pas du tout. Je viens la voir. Heureusement, Michel Drucker, lui, vient vous voir régulièrement, j'imagine, Michel, puisque vous continuez à travailler avec Michel. Bien sûr. Le voici, Michel Drucker. Bonjour. Bonjour, Anne. Attendez, excusez-moi, je remets mon cœur à l'endroit. Anne Roumanoff, formidable. La seule artiste à sortir mon canapé. D'ailleurs, une fois, vivement dimanche, je me suis trompé, je me suis assis sur Anne. À la classe, non seulement vous avez été avec Chantal là-dessous, Anne, mais aussi avec Jean-Marie Bigard. Ouais, salut Anne. Comment ça va, ma popiette, hein? Tu te fais une journée copain d'avant ou quoi? On a fait nos premières télés ensemble dans l'émission La Classe. Avec Chantal Latsou, on a pété ensemble dans le même livre. Bon, ça s'appelait la classe, mais ça n'était pas toujours, hein. On pataugeait quand même dans le sexisme et la misogynie, tu vois. Moi, j'ai revu un épisode, même moi, j'étais choqué, tu vois. Alors, si un jour, pendant l'émission, tu vois, j'ai dit un truc qui t'a blessé, ben, je m'excuse du plus profond de mon slip. Bernard de la Villardière. Je ne sais pas si vous regardez les émissions sur M6 de Bernard de la Villardière, mais le voici. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Enquête non inclusive. Nous allons plonger dans l'univers impitoyable des femmes humoristes où se mêlent paillettes et croche-pattes dans l'escalier de la gloire. Je suis d'ailleurs en compagnie d'Anne Roumanoff, qui a décidé de témoigner sous couvert de l'anonymat pour dire tout ce qu'elle pense de Blanche Gardin, Florence Foresti et Muriel Robin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de vos collègues? Votre préférée, c'est laquelle? Ah! Non, mais je les aime, je les respecte. Non, non, mais vraiment, parce que c'est difficile de faire ce métier. Même, j'ai du respect pour tous les gens qui font... Rire, en général. Non, mais vraiment, parce qu'il faut le faire, il faut y aller. Et enfin, je dis toujours qu'un chanteur qui n'est pas en forme, ben, ok, il a peut-être moins... Mais nous, on a des rires, on n'a pas de rires, en fait. Donc, non, je respecte. Et est-ce que vous diriez, comme Muriel Robin, que si vous ne faites pas de cinéma, c'est parce que vous êtes homosexuel, Anne? Alors, non. Elle est pato. Maintenant. Allez. En plus, t'es pénétrable, toi. Ah. Ouais. Je suis pénétrable, mais je suis pas tellement pénétrée, hein, maman. Non, mais je pense qu'indépendamment de l'homosexualité ou pas, je pense que le cinéma a quand même un problème avec les femmes de plus de 50 ans qui ont une forte personnalité, c'est vrai. Il y a dans les téléfilms, et d'ailleurs, Michel en est la preuve, chaque fois qu'elle passe, elle fait un carton d'audience, Cécile Wall fait des cartons d'audience, donc les femmes de plus de 50 ans, elles font des cartons d'audience. Et moi, j'ai pas la gueule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, et au cinéma, c'est vrai. C'est Chantal, elle a eu une carrière tardive au cinéma. Oui. Hein, c'est vrai. Oui. Il a fallu attendre que... Eh oui. Que ça vienne. Quoi, d'ailleurs. Oui. Chantal Bug. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais. Avant, j'ose pas dire un non, âge. Non, mais moi, je trouve. Sérieusement, je trouve ça très bien ce qu'a dit Muriel Robin, parce que d'abord, c'est ce qu'elle ressent, donc elle a raison de le dire et de l'exprimer avec force. Et le cinéma français a aussi quand même un problème avec l'homosexualité, qu'elle soit féminine ou masculine, c'est une réalité. Donc à un moment, c'est bien aussi de dire ce genre de choses à la télé, même si on se fout de sa gueule, c'est pas grave. Je trouve qu'elle a eu raison de le dire, surtout qu'elle le ressent, et on doit dire ce qu'on ressent. Anne Roumanoff en tournée, ne ratez pas son nouveau spectacle, et à Paris aussi. Elle tourne même à Paris, vous voyez tellement elle aime les dates de tournée, puisqu'elle fait 4 salles différentes dans la capitale. Anne Roumanoff reste avec nous pour la valise RTL dans quelques minutes. Belle RTL, les grosses têtes de 15h30 à 18h. Chérie, devine quoi, j'ai réussi à avoir les dernières places pour le match de foot de ce week-end. Alors, c'est qui la meilleure? Bah écoute, c'est super, mais la rencontre est annulée. Mais non. Bah si. Toujours la dernière au courant? Ne manquez plus aucune info. Pour 1,30€ par jour seulement, profitez de tous nos contenus en illimité et de votre journal papier chaque jour. Rendez-vous sur sudinfo.be/abo. Sudinfo, à chaque instant, au premier rang. Mais pourquoi y a-t-il de plus en plus de restos à burger dans ce pays? Et est-ce que le burger qualitatif, ça existe? Ce soir, sur RTL TVI, coûte que coûte, enquête sur la valeur réelle des burgers. Comment un produit qui coûte 1,50€ peut-il être vendu à 12,50€? Et sur le plan diététique, peut-on vraiment éviter le gras? Coûte que coûte, spécial burger, c'est ce soir sur RTL TVI. Belle RTL et RTL TVI présentent... Après ses deux premiers concerts sold out à Forêt Nationale, Michel Sardou revient pour deux dates supplémentaires. Michel Sardou vous donne rendez-vous à Bruxelles, à Forêt Nationale, les 2 et 3 février 2024. Réservation sur odlive.be et dans les points de vente habituels. Vous aimez la musique des années 60? La web radio Bel RTL 60 est faite pour vous. Just to hear you say, meilleur de la musique, c'est sur les web radios Bel RTL, à retrouver sur l'application et sur le site belrtl.be. On est là. On est là pour vous faire rire. C'est Anne Romanoff qui va tenter de faire gagner la valise aujourd'hui. C'est un concept qu'elle connaît vraiment bien. J'espère qu'elle va la faire gagner. RTL. La valise. Bon, Anne, je ne vous présente pas le concept de la valise. En plus, vous êtes chanceuse. C'est une toute nouvelle valise. Il y a seulement 1002 euros dans la valise. Et un livre, Jean Cocteau, Chambre avec vue, publié aux éditions des Saint-Pères. C'est un magnifique ouvrage en hommage aux 60 ans de la disparition de Jean Cocteau aux éditions des Saint-Pères. On a réédité un livre comme une promenade immersive dans l'univers personnel et artistique de Jean Cocteau. Voilà le contenu de la valise. Donnez-moi un numéro de 1 à 20, Anne. 5. Le 5. Alors c'est vous, hein, on vous laisse faire, qui allez appeler Marie Sirou. Mme Sirou, qui habite à Francheville, dans le Rhône. Ça sonne déjà, enfin ça va sonner chez Marie Sirou à Francheville. Vous avez retenu le nom, la ville ? Oui. Alors on vous laisse faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Dire bonjour, vous présenter. Demande ce qu'il y a dans la valise. Oui, c'est ça. Donc, si elle sait ce qu'il y a dans la valise. Vous demandez ce que vous êtes bien, Mme Sirou. Demande à Chantal. Elle ne répond pas déjà. Oui, mais elle va décrocher. Ouais, elle est peut-être pas là, c'est des vrais gens qu'on appelle. Pardon ? C'est des vrais gens qu'on appelle. Là. Oui, bravo, oui. Romane. Sois inscrit. Bonjour, vous êtes sur le Ah, bah elle n'est pas là. C'est malin, Marie. Je vais laisser un message. Tant pis, t'as perdu. Branché, le répondeur. Un autre numéro, alors, Anne. 7. Le 7. Nicolas Robin. Wow, facile à retenir. Nicolas Robin habite à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Donc là, vous avez bien compris maintenant, Anne, hein, vous lui demandez est-ce que vous êtes bien Nicolas Robin ? Est-ce que vous habitez bien Saint-Mandé ? Vous êtes bien le fils de Muriel Robin ? Je me présente. Je suis Anne Romanoff. Je suis aux grosses têtes et j'aimerais connaître le contenu de la valise. Vous voyez, c'est tout bête. C'est tout bête. Et ça sonne déjà. Hello. Oui, Nicolas ? Vous êtes bien Nicolas Robin ? Ah, je comprends que ça marche pas avec les mecs parce qu'il a raccroché. Non, il a raccroché. Bon, oui, il a raccroché. Qu'il aille se faire foutre. S'il n'est pas capable d'apprécier une voix sensuelle, franchement. Non, mais il a peur. Il a cru que c'était les flics. Ne raccrochez pas, Nicolas. Ne raccrochez pas, Nicolas. Nicolas, ne raccroche Vous êtes bien Nicolas Robin ? Oui. Oui, c'est Anne Romanoff à l'appareil. Ah, bonjour, Anne Romanoff. On change de ton, hein, si j'ose dire. Pourquoi vous avez raccroché? Pourquoi vous avez raccroché? Parce que je croyais que c'était encore un démarchage téléphonique. Mais est-ce que j'ai une voix de démarchage, Nicolas? Mais vous avez une voix de démarcheuse, sachez-le, cher Anne. Bon, bah profitons-en. Est-ce que vous avez un problème avec vos fenêtres? Non, pas du tout. Vous avez quel âge, Nicolas? J'ai 37 ans. Ah ouais, non, ça va pas du tout. Alors, on va passer direct, là, je suis sur RTL, d'accord ? Oui, là, je m'en suis douté. Ouais. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Ah, punaise, je sais que... Ah non, pas Laurent, punaise en ce moment ! Il y a 1002 euros, je crois. Oui. Et bougez pas, j'ai vérifié un truc. Ah ouais, vous le marquez sur un papier, quoi. Il est malin, oui. Nicolas. Et effectivement, en tout cas, vous avez... Et qu'est-ce que vous faites chez vous, là, à cette heure-là ? Parce que vous travaillez pas ? Alors, en fait, je suis au Maroc, je suis en déplacement professionnel. Ah. Wow. Ouais, d'accord, je vois le genre. 1002 Et à mon avis, t'as aucune chance avec lui. Ouais, hein. J'ai bien vu. Et le livre de Dominique Marie, Jean Cocteau, d'édition Les Saint-Pères. Bah, vous avez gagné la valise RTL. Bravo Nicolas. Bravo Nicolas pour le plateau. Oui, après, il n'y a pas grand-chose dedans. Quoi. C'est Caroline Dublanche qui a ajouté le livre Jean Cocteau aux éditions des Saint-Pères, plus 1002 euros. Écoutez, on n'avait pas gagné la valise pendant 15 jours. Là, on la gagne deux jours de suite. J'ai loupé le livre d'Élodie Gossin, je suis hyper déçu. Et oui, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses dans la valise. Et vous faites quoi comme métier, Nicolas ? Je suis responsable du service consommateur pour un opérateur téléphonique. Ah bah très bien. Écoutez, en tout cas, vous gagnez. Est-ce que Laurent, je peux abuser ? Parce que comme il n'y a pas grand-chose dans la valise, j'aurais bien aimé avoir le dernier... la dernière BD du chat de Philippe Goluc, dédicacée, s'il vous plaît. C'est compliqué de vous dire oui, parce qu'il n'est pas là. Je ne peux pas répondre à sa place. Et Chantal va vous faire le chat, quand même. C'est Casterman, et c'est à 14,99€. Écoutez, on va lui demander à Philippe. Oh, c'est sûr qu'il la donnerait. Ouais, je pense qu'il va le faire. Je ne vous le garantis pas, mais je pense qu'il va le faire. Vous ne voulez pas plutôt, je ne sais pas, moi, le... Oui, je peux vous dessiner un chat, si vous... Ça te va, Nicolas? Il va pas fort, le chat. Heureusement, il est bientôt 18h. Nicolas aurait préféré qu'on lui vende des fenêtres, je pense. Oui, je crois. Une pompe à chaleur. Bah écoutez, il gagne quand même 1002 euros. C'est vous qui choisissez le nouveau montant de la valise RTL. Eh bien, ce sera 1007. 1007 euros. C'est énorme, non ? Attention, d'ici à demain, j'imagine que quelqu'un sur notre antenne, comme Caroline Dublanche l'a fait hier, quelqu'un ajoutera quelque chose d'autre dans la valise en plus des 1000. Ah ben, c'est ce que je pourrais faire. Je pourrais mettre des places pour Anne Roumanoff à l'Olympia dans la valise on RTL. On peut mettre deux places à l'Olympia. Deux places à l'Olympia pour Anne Roumanoff en décembre. Bravo en tout cas, Nicolas. Vous avez gagné la valise RTL. On se retrouve dès demain à 15h30 pour d'autres grosses têtes après le bel RTL soir de Frédéric Delfosse. Vous avez rendez-vous avec Marc Isaïe pour plus de musique et plus de plaisir et ce durant toute la soirée. Passez une excellente fin de journée et à demain tout le monde. RTL Mobilité, ralentissement sur le ring extérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Zaventem, c'est vers Mechelen. À hauteur de Mechelen, un véhicule est en panne, c'est sur le ring extérieur de Bruxelles en direction de Halle. La bande du milieu est obstruée et ça engendre beaucoup de fils. Une dizaine de kilomètres plus loin, un autre véhicule est en panne, toujours sur le ring extérieur de Bruxelles, à hauteur de Jette en direction de Halle. Attention, celui-ci est sur la bande de gauche. RTL Mobilité, votre partenaire sur la route. 18h-19h, bel RTL soir, Frédéric Delfosse. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce bel RTL soir. On est là pour vous surprendre tout à l'heure. Ce sera avec Pauline Laurent sur certaines personnes qui ont décidé de passer presque toute leur vie sur un bateau de croisière. On est là aussi pour vous énerver. En tout cas, certains s'énervent avec Vincent Legrève. Et tout à l'heure, Vincent Legrève s'énervera sur les 24 heures de vélo. La semaine prochaine, qui change un peu d'horaire. Et ça, pour lui, c'est impensable lorsqu'on est un accro et lorsqu'on a la tradition qui prime d'abord. Voilà pour quelques-uns des titres, mais bien entendu, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Les remises exceptionnelles, c'est maintenant. Jusqu'à moins 70% chez... Bien dormir est tout un art. Bel RTL soir. Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi, les craintes ce soir pour tout le personnel des magasins Inno. Le propriétaire des magasins annonce la vente des 16 succursales en Belgique, comme nous l'explique Olivier Skoonbrood. Retour sur l'hommage rendu ce matin aux victimes d'Abdesalem Lassouède en présence du Premier ministre suédois. Ce sera avec Sébastien Rosenfeld, alors que les réactions sont nombreuses ce soir suite aux informations qui concernent l'auteur de l'attaque terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas quitté le territoire et surtout pourquoi n'a-t-il pas été surveillé ? Nous reviendrons aussi sur l'opération de la police d'Anvers qui a permis hier d'arrêter un commando armé, sans doute venu récupérer de la drogue dans le port. Et puis la pluie s'invite ce soir pour tout le monde et pour plusieurs jours. Les mauvaises nouvelles d'Émilie Dupuy dans un instant. Belle RTL. Comme un coup de massue sur la tête ce soir pour tout le personnel des magasins Inno. Les 16 magasins de Belgique, Galeria Inno, c'est une réalité. La maison mère a annoncé ce soir, via le groupe allemand Galeria, la vente de sa filiale. Bonsoir Olivier Skoonbrood. Bonsoir Frédéric. L'actuel propriétaire doit faire face à de grandes difficultés financières. Ce n'est pas neuf, mais cette fois, c'est confirmé. Les magasins Inno en Belgique sont à vendre. C'est finalement la confirmation de ce que redoute le personnel depuis plusieurs mois. Le groupe allemand est en difficulté et pas un peu. En 2020, il annonce la suppression de 6000 emplois et de 62 de ses 172 magasins. En 2022, nouvelle suppression de postes et fermeture de 2/3 des magasins. Mars 2023, nouvelle annonce choc, 52 magasins doivent baisser le volet définitivement. Et toutes ces restructurations et les difficultés du groupe ont évidemment des répercussions chez nous. Ouais, évidemment, les 16 magasins Galeria Inno, heureusement, se portent plutôt bien. Ils sont même en bénéfice. 10 millions d'euros avant impôt pour l'exercice 2021-2022. Avec des projets de modernisation pour une clientèle plus prestigieuse. Avec la vente des 16 points de vente belges, c'est l'espoir de dégager au moins 50 millions d'euros. Alors si la direction belge confirme cette mise en vente, elle ajoute que les négociations concrètes n'ont pas encore commencé. Pour l'instant, rien ne change pour les employés, les partenaires et les clients. Pour l'instant, car en l'absence de vision à long terme, le personnel s'inquiète. Les syndicats que nous avons contactés ne se sont pas encore exprimés. Les 1000 employés belges se posent des questions dans l'attente d'un futur propriétaire, mais ils ne sont plus très nombreux dans le secteur des grands magasins à pouvoir prétendre à un tel rachat. Ce mercredi, la musique d'un violoncelle a résonné dans les rues de Bruxelles, dans le quartier touché il y a à peine 48 heures par une attaque terroriste. Un attentat perpétré par Abdeslam Lassoued, qui a coûté la vie à deux personnes et blessé une troisième. Cérémonie d'hommage, Sébastien Rosenfeld, en présence des premiers ministres belges et suédois. Des notes de musique s'élèvent, place Sainte-Thelette. Les visages graves, les premiers ministres suédois et belges s'associent à la douleur des familles endeuillées. Deux touristes suédois, âgés de 60 et 70 ans, sont morts ici, alors qu'ils venaient faire la fête lors d'un match de football. Dans les mains d'Alexander De Croo, un maillot de l'équipe de Suède. Ulf Kristersson, qui appelle ses compatriotes à la vigilance, dépose une gerbe de fleurs et une écharpe. Dans le public, une des victimes des attentats de Bruxelles tenait à faire le déplacement. Je suis très prise par l'émotion et c'est compliqué. Les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur sont aussi présentes. L'ensemble du gouvernement belge est solidaire du drame qui touche la Suède, victime du terrorisme. Pendant ce temps, deux jeunes anonymes se recueillent devant ces mots « Courage au peuple suédois ». Et cette attaque terroriste pose ce soir encore de nombreuses questions, notamment au regard du profil d'Abdeslam Lassoued. Depuis son entrée dans l'Union européenne en 2011, l'homme est passé par l'Italie, par la Suède, avant d'arriver en Belgique. Abdeslam avait aussi fait une demande d'asile en Norvège. Chez nous, il a été débouté en 2020, mais il n'a jamais quitté le territoire. Voilà qui, depuis hier, agite le monde politique, comme l'exprimait déjà sur RTL hier le Premier ministre Alexander De Croo. Bonsoir Bernard Lobé. Bonsoir Frédéric. Et ces informations ont suscité beaucoup de commentaires aujourd'hui au Parlement fédéral. Oui, et le Premier ministre a répété en commission de la Justice et de l'Intérieur l'importance de s'attaquer à l'immigration clandestine de manière coordonnée. En parfait écho à ce que disait son homologue suédois ce matin, à savoir il y a un besoin énorme non seulement de contrôle frontalier, mais aussi de partage d'informations afin de protéger nos sociétés. En commission, le député PS Éric Thiébaut pointe notamment un problème de communication entre les différents services de sécurité du pays. C'est le manque de circulation de l'information, visiblement, qui a pu poser problème. Circulation au niveau du pays, mais circulation au niveau de l'Europe. La commission attentat réunie après les événements de mars 2016 avait déjà demandé la mise sur pied d'une banque Carrefour de données de sécurité. Le député MR Denis Ducarme a fait allusion aux informations disponibles, selon lui, depuis un an. Est-ce qu'on n'a pas, en 22, constaté la radicalisation de monsieur Abdeslam, en ce compris sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on n'a pas constaté que ce monsieur se prêtait à des actes s'apparentant à de l'apologie du terrorisme? Et les questions des députés sont si nombreuses que la commission intérieure justice est toujours en cours. Un contexte particulier qui a touché la France avec plusieurs alertes un peu partout dans le pays. 6 aéroports évacués aujourd'hui, tout comme une nouvelle fois le château de Versailles. En Italie, c'est une école juive de Rome qui a été évacuée. Chez nous, en Belgique aussi, 2 alertes à la bombe aujourd'hui à Gand et à l'aéroport d'Ostende. Une nouvelle augmentation du prix du diesel demain. Si vous devez faire le plein, eh bien faites-le peut-être en priorité ce soir. Près de 2 centimes d'augmentation le litre. 2 centimes aussi de plus pour le mazout de chauffage. Ce soir, la Belgique demande que toute la clarté soit faite sur la frappe qui a touché mardi soir l'enceinte d'un hôpital dans la bande de Gaza. On ne peut pas attribuer avec sûreté l'origine de cette attaque et il est de notre devoir de ne pas attiser les tensions et d'appeler à une désescalade, précise la ministre des Affaires étrangères ce mercredi. Tout cela alors qu'au Proche-Orient, la confusion règne depuis ce matin sur les responsabilités de ce tir sur l'hôpital, mais aussi sur le nombre de victimes. Aux dernières informations, 471 personnes décédées, ce sont les chiffres du ministère palestinien de la Santé. Ce soir, Israël annonce autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, alors que Israël impose un strict siège du territoire palestinien depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas, l'organisation terroriste, de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza. Présent en Israël ce mercredi, le président américain Joe Biden a assuré à l'État hébreu de son soutien, Joe Biden appuyant la version israélienne désignant le tir de roquette du djihad islamique, un autre groupe armé palestinien, mais version démentie par les intéressés. Voilà ce que dit Joe Biden. Sur base de ce que j'ai vu, il apparaît que cela a été mené par la partie adverse. Les données américaines en provenance du Pentagone disculpent Israël. Écoutez le président américain. Nous allons nous assurer que vous disposez de ce dont vous avez besoin pour défendre votre peuple. Pendant des décennies, nous avons assuré à Israël un avantage militaire qualitatif. Et dans le courant de cette semaine, je demanderai au Congrès des États-Unis de mettre en place un programme de soutien sans précédent pour la défense d'Israël. Retour chez nous, direction Anvers, où des policiers ont fait une découverte surprenante hier soir. Des policiers arrêtent une camionnette et à son bord, Julien Roth, plusieurs hommes lourdement armés qui visiblement menaient une opération pour récupérer de la drogue, une importante cargaison de drogue. Je confirme que notre unité a procédé à une action à haut risque. Les précisions du porte-parole de la police anversoise au lendemain d'une arrestation dite dangereuse. Hier soir, les forces d'intervention rapide immobilisent une camionnette avec à son bord, sept individus lourdement armés. Les sept suspects ont entre 22 et 35 ans. Parmi eux, trois Néerlandais, deux Belges et un Polonais. Des images spectaculaires montrent comment la police intercepte le véhicule, l'encercle avec trois berlines noires banalisées et comment les forces de l'ordre tiennent les occupants sous la menace de leurs armes. L'enquête commence, mais la police cherche à déterminer s'il n'y aurait pas un lien avec une importante saisie de cocaïne plus tôt dans la journée au port d'Anvers. Mais pour des sources proches de l'enquête, il semble évident que les sept individus armés étaient en route pour récupérer la cargaison. RTL Sport avec le match de David Goffin de l'Open de tennis d'Anvers ce soir. Le Belge dispute le deuxième tour contre le jeune Français Péricard. Un match à suivre dans quelques minutes sur RTL Club et RTL Play en direct. Et en football, il faudra attendre vendredi au plus tard pour connaître la décision de l'UEFA concernant le match interrompu lundi soir entre la Belgique et la Suède, avec la décision de connaître les conséquences pour les deux équipes et leur position dans le groupe. La météo, par tous les temps, avec notre partenaire. C'est un temps à isoler le grenier. Avec Big Matt à vos côtés. Comme chaque soir, la météo. Bonsoir Amélie Dupuy. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Alors la pluie, il commence à pleuvoir sur certaines régions et elle va toucher un peu tout le monde ce soir. Eh bien oui, c'est une méchante dépression qui est située à l'ouest de l'Europe qui va nous envoyer perturbation sur perturbation pour les prochains jours, toute la semaine mais également pour le week-end. Et effectivement, la Belgique est touchée par ces perturbations dans le courant de la soirée. Ça va un peu se calmer dans le courant de la nuit et on aura des minima entre 10 et 15 degrés. Et pour demain, ce sera un peu la même chose ? Alors on va commencer avec évidemment de la grisaille sur le centre et l'est du pays. À l'ouest, ce sera plus lumineux, mais la nébulosité va augmenter. Et à partir de ce moment-là, évidemment, la pluie va accompagner ces nuages. Alors vendredi, attention, beaucoup d'eau. Oui, beaucoup d'eau. Les nappes phréatiques vont tout doucement bien se remplir, ça c'est une certitude. Pour le sud du pays, on attend 20 litres par mètre carré. Pour le nord, jusqu'à 30 litres par mètre carré. Et tout ça, évidemment, accompagné de rafales de vent. Et un petit week-end de... Non, oubliez ça. Bon, écoute. Ben vous reviendrez demain avec de meilleures nouvelles. Je reviendrai demain. Je ne suis pas certaine avec les meilleures nouvelles, mais en tout cas avec le sourire, c'est promis. À demain. À demain, Fred. De 18h à 19h, toute l'info est dans Bel RTL Soir. comme un timbal. Lis ton destin au mien. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde. Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, elle fait la dérive, mon improbable cime. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Au matin, mettre les voiles. Plus rien ne nous retient. Viens plus près. Tendrez la nuit. À de futures caresses, un doigt sur les. Vanessa Paradis avec Étienne Dao, tirer la nuit sur les étoiles. Dans un instant, on va tenter de comprendre comment 25 000 personnes en 2022 ont reçu un ordre de quitter le territoire. Seules 5 000 personnes ont effectivement quitté, un peu plus de 5 000 ont effectivement quitté le territoire. C'est les chiffres qu'on vous donnait hier. Ce sera avec le directeur de la Ligue des droits humains dans un instant. Belle RTL Soir revient dans quelques instants. Dans la vie, on a tous fait des choix qui semblaient bons, comme se proposer chauffeur pour l'équipe de votre fils, pour réaliser après que c'est tous les dimanches matins, avec plein d'enfants qui chantent. Et puis, il y a les bons choix qui restent des bons choix, comme profiter de 326 euros de réduction sur un pack trio qui répond à toutes vos envies. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Vous, vous d'abord. Infos et conditions dans votre boutique Vous. Là. Profitez des conditions Let's Go chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau dressing et remise jusqu'à 1500 euros. Ego, ça change la vie. Conditions en magasin. De l'info, la météo, la musique et toute l'équipe de Bel RTL Matin autour de Sandrine Danse et Thomas de Bergueic. C'est tous les jours de la semaine de 7h à 9h sur Bel RTL. Bonne humeur et humour avec Votez pour moi. Pour accompagner vos débuts de journée, c'est dans Bel RTL Matin avec Sandrine Danse et Thomas de Bergueic. De 7h à 9h. Préparez-vous à vivre des moments en famille sensationnels. Cette semaine, dans votre ciné-télé-revue, profitez de vos privilèges lecteurs pour emmener toute la famille dans les plus beaux parcs de Belgique et de France à prix tout doux. Ambiance festive et magie garantie pour des souvenirs en famille inoubliables. Ciné-télé-revue. Ciné-télé-revue, suivez le guide. De 18h à 19h, c'est Bel RTL Soir. Trois questions A pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Trois questions ce soir au directeur de la Ligue des droits humains. Bonsoir Pierre Arnaud Perrouti. Bonsoir. On citait ces chiffres dès hier. On revient bien sûr sur le contexte qui a amené à poser la question de ces chiffres. Abdesalem Lassoued, qui était sous l'ordre de quitter le territoire depuis octobre 2020. Il avait été débouté d'une demande qu'il avait introduite en Belgique comme demandeur d'asile. C'était en 2019. On sait depuis que son parcours dans différents pays l'a amené à ne pas respecter ses ordres de quitter le territoire. Aujourd'hui, je recite les chiffres, 25 000 personnes personnes environ en 2022 ont reçu cet ordre de quitter le territoire. 5000, un peu plus de 5500 l'ont effectivement quitté, dont 2900 de manière forcée par les autorités. Tout d'abord, est-ce que ce sont des chiffres importants? Est-ce que, Pierre-Arnaud de Perrouty, est-ce qu'on est dans une explosion du nombre de demandeurs d'asile qui sont déboutés? Non, on n'est pas dans une explosion. Alors, les demandes d'asile elles-mêmes, sans même parler des déboutés, elles sont fluctuantes. Hein. C'est assez cyclique. Elles se situent aujourd'hui à un nombre entre 30 et 35 000. Ça a déjà été plus haut, ça a déjà été plus bas, en fonction des crises internationales qu'on ne maîtrise pas ou de gros événements comme des changements climatiques. Ça peut générer des différences importantes. Mais le nombre de demandes ne dit pas encore combien de personnes sont déboutées. Et là, ça dépend vraiment des nationalités. Si vous venez d'un pays comme la Syrie, par exemple, où aujourd'hui on peut imaginer de Gaza ou d'endroits où vous risquez vraiment votre vie pour différentes raisons, vous avez beaucoup plus de chances évidemment d'être reconnu plutôt que d'être débouté. Alors ce qui pose évidemment question, c'est 25 000 personnes à qui ont un ordre de quitter le territoire, et effectivement 5 500 qui quittent le territoire belge, et on parle des chiffres uniquement pour 2022. Est-ce normal finalement qu'il y ait une telle différence, et que deviennent les 20 000 personnes qui ne suivent pas cet ordre? Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est très fréquent. Il n'y a pas seulement la Belgique qui fait ça. À partir du moment où vous délivrez un ordre de quitter le territoire, la personne est censée quitter le territoire dans un certain délai. Ça peut être une semaine, ça peut être plus long selon les cas. Et puis, fondamentalement, il n'y a rien qui se passe. Mais en tant qu'État, vous n'avez pas 36 possibilités. Ou bien vous enfermez la personne dans un centre fermé, un centre de détention en vue de l'expulsion. Ou bien les gens sont censés partir par eux-mêmes. Mais s'ils ne partent pas, vous n'avez pas vraiment de moyens de contrôler ça. Et il y a une série de gens qui sont effectivement avec un ordre de quitter le territoire expiré, mais qui continuent à circuler sur le territoire de manière clandestine. De la même manière qu'il y a plein de gens qui existent sur le territoire, qui sont sans papier, qui n'ont jamais eu d'ordre de quitter le territoire, qui ne sont enregistrés nulle part, dans aucune commune, et qui pourtant sont sur le territoire en Belgique. Lorsqu'on est sous cette menace de quitter le territoire, donc lorsqu'on a été quelque part débouté de sa demande, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut finalement vivre normalement? On peut continuer à chercher du travail? On peut essayer aujourd'hui on a un permis de conduire, on peut circuler sur les routes, on peut avoir une assurance auto, on peut vivre finalement comme sans problème. Alors, oui. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on vit à peu près normalement, c'est-à-dire qu'on circule, on peut avoir un compte en banque, on peut travailler, bon, dans l'économie souterraine évidemment, vous travaillez au noir, mais vos enfants ont le droit d'aller à l'école, donc on peut vivre à peu près normalement. Le risque que vous courez, c'est de vous faire contrôler au hasard dans la rue ou dans les transports. Et là, ce qui se passe, c'est que si vous êtes contrôlé et que la police constate que vous n'avez pas de papier, elle va contacter l'Office des étrangers. L'Office des étrangers va voir que soit vous n'êtes pas en ordre de séjour, ou même sous le coup d'un ordre de quitter le territoire. Et à ce moment-là, de deux choses une, ou bien ils ont de la place dans les centres fermés, ils peuvent décider de vous enfermer pour vous expulser, ou bien simplement ils redélivrent un nouvel ordre de quitter le territoire et ils vous relâchent parce que de toute façon, ils n'ont pas la place suffisante dans les centres fermés pour vous arrêter. Et puis, une dernière question, si vous voulez bien, qui prouve que c'est pas si simple que ça, même si on arrête la personne, si elle est mise en centre fermé, mais faut-il encore que le pays d'origine de la personne accepte de récupérer quelque part son ressortissant? Ça n'est pas automatique, c'est pas si évident que cela, c'est ce que dénonce un peu d'ailleurs le Premier ministre, dénoncé encore hier le Premier ministre. Non, en fait, bon, toute cette...